3, 2, 1. Knicks on fire tonight. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Anniversaire. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on souhaite des anniversaires. Non, sans qu'on parle des New York Knicks. Bienvenue sur l'épisode 119. Et oui, déjà, la saison régulière se termine bientôt. Profitons-en. Bientôt les playoffs. Le printemps est déjà installé. On a changé d'heure, mais c'est toujours à la même heure qu'on vous retrouve sur KNF TV. Et toujours fidèlement accompagné par moi-même, Joanny. Et par notre ami le Gaulois, Choubix. Seb, comment tu vas en ce début de semaine? Eh ben écoute, tout va bien, là, le soleil est revenu, les Knicks gagnent. Les oiseaux chantent. J'ai gagné le prono, tout va bien. T'as gagné le prono, donc tout va bien. Tu es un homme heureux, riche, je sais pas, mais un homme heureux en non, tout cas. Non, ma femme m'a dit, mais pourquoi tu joues pas? Je fais trop de risques. Trop de risques. Bon, si c'est ta femme qui t'encourage à parier. Ouais, non. Non trop bon. De risques. Trop de risques. Surtout avec l'Enix. Surtout avec l'Enix. Ouais, surtout cette année, ouais. Il y a eu quelques surprises parfois. Bon, on va pas perdre de temps. Comme vous le savez, à chaque fois, il y a beaucoup de choses à se dire. Donc, on lance le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière sur la planète Orange and Blue. Beaucoup d'orange, beaucoup de blue. Beaucoup d'orange and blue. Allez, c'est parti. On lance l'épisode 119. Et oui, on a lancé l'émission avec une petite chanson à la gloire de notre ami Walf Frazier. 80 ans, 80 printemps. C'est pas tous les jours qu'on a 80 ans. Et les Knicks ont pas mal de légendes à célébrer. Et Walf Frazier, Clyde, pour les intimes, est une légende qui devait être célébrée, qui a été célébrée dignement avec son beau costard. Hein. Il avait sorti une tenue de fête. Je sais pas si c'était... Mybrin lui a rendu hommage. Ouais, Alan Hahn aussi. Enfin, ils avaient tous des tenues. Ils avaient accordé leur dress code pour être à corps pour la soirée. C'était une belle soirée au Madison Square Garden. 80 printemps pour Walf Frazier, qui nous semble éternel, mais on ne se rend pas compte de la chance que l'on a en tant que fan des Knicks d'avoir une légende encore présente dans la vie de la franchise. Il faut en profiter parce que voilà, éternel, il le sera dans nos cœurs sur cette planète, on verra. Mais en tout cas, voilà, il fallait commencer cette émission aussi de notre côté par saluer celui qui a incarné l'image des Knicks de meneur, le champion. Meneur champion. Il a pas été MVP des finales, bien sûr, mais on double parle et on n'arrête pas de parler de ce match 7. Double champion. Double champion, MVP du All-Star Game. Bon, hein, le All-Star Game, on en parlait peut-être. Ça vaut ce que ça vaut. Bah, à l'époque, ça valait quelque chose. Ah. Quoique, j'avoue personnellement ne pas avoir vu ce All-Star Game lorsqu'il fut MVP. Mais voilà, en tout cas, c'est un grand monsieur de cette ligue, un grand monsieur de cette franchise des New York Knicks. Le GOAT ? Ah. Il y a discussion, il y a eu débat. Il y avait un épisode qu'on avait fait il y a quelques temps de ça pour parler du GOAT des Knicks. On aime parler des GOAT en NBA, on aime de parler de GOAT en basket. Voilà. À New York, il y a 2-3 noms qui reviennent régulièrement. Il ne faut pas mélanger les périodes, ça peut contrarier certaines personnes. Donc attention, ne mélangeons pas les périodes. On ne mélange pas les périodes et Clyde, il est traversé ces périodes et il est toujours présent dans cette vie de cette franchise et de cette grosse ville qui est la Big Apple. Donc voilà, félicitations à toi Clyde, heureux de pouvoir encore te compter parmi les Knickerbockers et Knickerbockers actifs parce que oui, on le voit régulièrement sur Square Garden. Parce que cette année, il avait quand même, il a commenté quand même moins de matchs. Il a levé le pied un petit peu. Ouais, du coup, 80 ans. Non, mais c'est pas ça. J'ai pas vu passer l'info, je savais qu'à l'année dernière ils avaient dit qu'ils commenteraient moins de matchs. Jamal Crawford est rentré dans le giron MSG, a commencé à commenter et compagnie. Les matchs en déplacement, ouais. Mais du coup, est-ce que l'année prochaine, pareil, est-ce que ça va être un peu moins? Est-ce que ça va être pour les gros matchs du dimanche par exemple? Ou tu vois, parce que c'est vrai que 80 ans, à un moment donné. Après, si c'est son kiff, tu vois, de venir, c'est pas. Le travail, disons que c'est pas la chose la plus compliquée à faire. Genre qu'il soit assis en tribune ou qu'il soit à côté de Mike Breen, en fait, à sortir ses petites punchlines. Tu vois, c'est pas quelque... Ouais. Ça peut être fait c'est pendant plus longtemps. les déplacements en avion et autres. Oui, voilà. Donc On le voit sur certains déplacements, typiquement Atlanta, parce qu'il est originaire d'Atlanta, il fait ce genre de déplacement. Cleveland, il a joué à Cleveland, il a fini sa carrière à Cleveland, on a tendance à l'oublier, et heureusement qu'on l'oublie, ce passage-là, peut-être. Mais en tout cas, oui, effectivement, voilà, il faut ménager l'ami Walt. Il était question à un moment donné de retraite, de raccrocher réellement au micro. Ça fera bizarre le jour où on aura pu Walt Frazier au micro. Qui sera réellement son successeur, c'est compliqué à dire, parce que... Il le prépare, hein. Il le prépare tout doucement quand même. Ouais, mais il incarne un duo avec Mike Breen au Ouais. micro, et il a eu d'autres acolytes, mais voilà, c'est une voix, c'est un style, c'est un personnage, c'est haut en couleur, et même s'il n'est pas au micro, il est toujours accueilli comme un prince à New York et au Madison Square Garden, donc voilà. En tout cas, bravo et félicitations à lui pour cette magnifique carrière et longue et belle vie que Walt Frazier a pu avoir. Et il est encore tout jeune. Il est encore tout jeune. Tu sais, Si LeBron joue encore à 40 ans. cette année, c'est à peu près pas similaire parce que. Enfin, c'est à peu près pas similaire, ça veut rien dire. Mais dans l'approche en fait, des commentateurs, tu as aux Rangers, tu as un mec, un commentateur qui s'appelle Sam Rosen. Et Sam Rosen, c'est la voix des Rangers depuis 40 ans. Il commente les Rangers, il a vu les titres, il a vu. Alors, peut-être pas dans ouais, 30 ans, une trentaine d'années, plus de 30 ans en tout cas, c'est sûr. Il a vu le titre, dernier titre des Rangers en 94. Il a commenté. Enfin voilà, c'est vraiment la voix des Rangers. Là, cette année, il a raccroché. Cette année, donc c'est fini. C'est plus lui qui le. Et il a été. À quel âge a-t-il raccroché? Quel âge il a, Sam Rosen? Ben, Sam, il est à 77 ans. Ouais. Il a 77 ans et donc en fait, ben, il est ici, il a été salué par une partie du public, il a même fait un discours au milieu du Madison Square Garden. D'ailleurs, c'était marrant parce que c'était un soir où il y avait au Madison Square, il y avait les deux matchs qui se jouaient. Il y avait les Ouais, double Rangers affiche. et les Knicks ensuite. Donc il y a encore eu tu sais, des timelapses de changement de Des décor. transformations de la salle. Mais et du coup, ben, c'est plus lui en fait qui va commenter les Rangers. Voilà, donc ouais, depuis 1984 en fait. Donc ça, c'est sûr que l'année prochaine, de plus l'entendre, ça fera bizarre, notamment parce qu'il avait aussi des phrases, comment est-ce qu'il commentait. Mais ça fera tout autant quand Walt Frazier Quand Walt partira, quoi. raccrochera. Voilà, Ouais. Un double Hall of Famer, Walt, hein, en tant que joueur, ça, bon, on peut le comprendre, et également en tant que commentateur, en tant que journaliste, en tant qu'homme de médias pour la NBA. Voilà, ça dit tout de l'importance qu'il occupe avec sa place en tant que commentateur d'élite. En plus, en plus, il a pour le coup, il a une énorme légitimité. C'est quelqu'un voilà, qui a eu plein d'accomplissements dans cette franchise. Donc, enfin, voilà, quand il parle d'Enix, il sait de quoi il parle. C'est sûr que la personne qui va passer après lui, même si il le prépare tout doucement, on voit souvent Walid Szczerbiak qui fait au niveau des commentateurs. Il a jamais joué aux Knicks, lui. Donc, c'est pas pareil. L'attachement avec la franchise est différent. Voilà. Effectivement, un joueur, les anciens joueurs ne font pas forcément de bons commentateurs. Là, voilà, il y a un style, il y a un phrasé, il y a une connaissance du jeu, il y a aussi le fait qu'il soit un personnage et un joueur respecté. C'est un champion, donc voilà, on respecte les champions. Et puis, bah voilà, cet aspect style qui est unique. C'était Craig Sager, je crois, nous a quitté il y a quelques années de ça aussi, qui était plutôt assez coloré aussi en termes de tenue Mais vestimentaire. Et c'est. voilà, Walt, il y a ce côté en couleur qui Ce lui est qui est propre. marrant, c'est que. Il a un flegme qui est en fait aux antipodes avec la chaleur de la salle, quoi. C'est-à-dire que quand il commence, c'est assez chill, tu vois. Et par rapport à la salle qui, elle, exulte. Donc, Ouais, c'est à faire. il y a un peu tu vois, ce contraste-là entre le commentateur et la salle. C'est marrant. Bon, allez, Walt, on compte sur toi pour nous faire vibrer et pour vibrer avec nous sur ces playoffs avec les Voilà, Knicks. Kira qui voit un titre des Knicks avant qu'il raccroche, quoi. Ouais, Définitivement. Mais puis même pour nous. Bon, voir des titres d'Enix, on verra si en juin on en parle ou si c'est plutôt pour plus tard. En tout cas, d'ici là, nous, on a non pas une, mais deux soirées encore au programme. Et il y en a une qui arrive quand? Tout simplement ce samedi. Et oui, avant-dernière KNF Viewing Party de la saison régulière. Les playoffs arriveront et avec leur programmation. Donc on sera bien sûr aux affûts pour pouvoir vous proposer le maximum de KNF Viewing Party également sur la période de playoffs, en espérant que cette période de playoffs aille le plus loin possible pour les New York Knicks. Mais voilà, cette saison régulière, il nous reste encore deux possibilités, deux dates. Ce samedi, à partir de, à partir de 20h30, au Hideout Paris Gare du Nord, on vous attendra dans notre lieu habituel pour pouvoir assister et profiter de la confrontation avec les Atlanta Hawks, une franchise et voilà, dont on connaît l'histoire récente avec les Knicks. Trae Young sera chez lui. Un petit Zachary français Zachary qui cartonne, bah, devrait jouer aussi. Ah, hein, il cartonne pas mal. En ce moment, il est plutôt en forme. Il a posé quelques difficultés sur le tout premier ou deuxième, je sais plus, match en début de saison régulière. En tout cas, c'est bon. Il n'a plus son record en carrière contre les Knicks. Il l'a fait cette nuit contre les Bucks, donc là c'est bon, on ne sera plus sur les tablettes. Il peut peut-être encore élever la marque, à voir. Alors, ça voudrait dire presque les 40 pions, ça veut dire presque 40. Est-ce qu'il a fait 36 cette nuit, ça serait 40, on prendrait 40 pions par le rookie. Ouh là là. Bon, on verra, on a peut-être quelques ailiers à mettre en face, mais d'ici là, voilà, notez bien sur vos agendas, c'est pour ce samedi, et la semaine prochaine, on remet ça, ça sera le dimanche, ça sera le dernier match de la régulière, le 82e, où ça? Chez les voisins, enfin face aux voisins du moins, face aux Brooklyn Nets, avec bien sûr Mikal Bridges qui sera de la partie, et ça sera dimanche prochain, dimanche de la semaine prochaine. Donc voilà, deux viewing parties en deux semaines, voilà, on est bon pour se lancer pour les playoffs ensuite. Bon, deux playoffs, bah oui, on a entendu parler. Ça y est, les Knicks, ils ont clinch, ils ont verrouillé, ils ont validé leur sixième place, qui signifie une qualification systématique au premier tour des playoffs. Avantage du terrain ou pas, bon, on va attendre de voir le dénouement de cette saison régulière. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti. La troisième place est toujours bien, bien installée côté New York. Mais voilà, ça fait quelques saisons que maintenant on a cette habitude de voir les Knicks qui clinchent les playoffs. Et c'est une habitude pour laquelle, bah voilà, on y prend goût. Hein, on y prend goût. C'était un objectif qui était nettement attendu de voir les Knicks se qualifier en playoffs. Mais voilà, quand on connaît l'histoire tumultueuse des Knicks et par des décennies plutôt compliquées, et ben voilà, il faut qu'on profite aussi de voir cet effectif et cette équipe. Ce projet qui s'installe dans le temps avec des Knicks qui sont régulièrement en play-off. Voilà, ça durera le temps que ça durera. C'est des histoires de cycle en NBA. Et pour l'instant, on est plutôt dans un bon cycle. Donc, continuons sur cette lancée à voir jusqu'où ça va à ce printemps-ci. Et pendant que les Knicks clinchent leur play-off, il y a les Knicks qui clinchent leur play-off. Quoi, les Knicks, ouais, tu l'as dit. Non, les Westchester Knicks, eux aussi, en G League, ça fait plutôt une belle saison. Et après avoir gagné le tournoi de l'hiver, eh bien voilà, ils essayent aussi de poursuivre leur aventure. Est-ce qu'ils seront champions de G League? À voir. Est-ce qu'il y a déjà une équipe NBA qui a vu sa franchise NBA championne et sa franchise de G League championne? Je suis pas certain. Le réservoir de l'équipe réserviste, ou des petits jeunes, ou des contracts, voilà, c'est autre chose. Mais à voir. Est-ce que l'équipe de G League va inspirer, va porter chance? Il y a pas mal de réussites dans le sport new-yorkais depuis quelques mois. Les New York Liberties avaient plutôt gagné. Elles avaient gagné. Elles ont gagné. À l'été dernier. C'était l'été ou septembre, je ne sais plus. St. John's a fait bonne figure avant de se faire éliminer Sweet 16, pardon. C'est pas le tableau de playoff. Ouais, à la March Madness. Et voilà, Westchester, ça marche plutôt bien. New York aussi. Non, mais Westchester aussi. Les Westchester Knicks. T'as fait ça, c'est dire. Ouais, elles sont sur 7 victoires consécutives. Ils sont deuxième de leur conférence de G-League. Derrière l'équipe affiliée au Orlando Magic. Avec un bilan de 22 victoires et 12 défaites, donc honorable. Ouais, donc non, ça marche bien pour eux. Avoir Je pense que nos petits jeunes vont. Je ne vois pas comme Dadier, Colec, quand les autres vont revenir, Colec avoir un rôle durant les playoffs. Donc j'imagine qu'ils vont être assignés pendant toute la campagne G-League playoff. Mais ça serait intéressant, ça serait intéressant pour eux. Donc non non, il y a eu un gros travail comme tu dis. Ils ont gagné le tournoi, l'espèce de G-League Cup. Donc non non, c'est bien. Ça montre que ça travaille bien aussi. Alors tous évidemment, voire même aucun ou très très très très peu auront un rôle dans le futur dans la franchise mère. On peut voir un hein, Moses Brown. Ouais, qui cartonne des Était pas. doubles-doubles à base de 20 rebonds en Oh plus. ouais, il est incroyable, mais il a fait une pige, il est allé faire 2-3 matchs à Dallas, il est revenu. Chuma Okeke, qui avait été pris pareil en 10-day contract À avec les Philadelphie, je crois. à Philadelphie, Ouais. est revenu. T'as eu Bobby aussi qui était parti, qui est revenu. Le fameux. Voilà. Donc, et puis en même temps, ils ont signé des petits jeunes draftés il y a encore 3-4 ans. Comment il s'appelle ce gars-là? J'ai oublié son nom. Je crois qu'il était à Washington, un truc comme ça. Enfin bref. Voilà, il y a du travail qui est fait. C'est bien. Ça à voir pour le futur. Je pense pas qu'on trouve là-dedans des futurs joueurs de rotation. Mais ça montre que, en tout cas, les deux teams de New York, la une et la deux, bah, ça gagne et c'est cool. Sont dans de bonnes dynamiques et tant mieux. Et ça a permis la semaine dernière, justement, Paco Mdadié de faire son record en carrière en G-League, certes, mais voilà, son record en carrière. Donc Voilà. voilà, des joueurs qui ont du jeu. Voilà, ça reste de la G-League. Bien sûr, les performances, il faut les savoir les nuancer par rapport à de la NBA. Mais il vaut mieux avoir des joueurs qui sont dans un rythme de compétition, qui peuvent un peu s'exercer, pratiquer, plutôt que d'être cantonné au banc sans jamais pouvoir Et le pratiquer coach la pratique de ce sport. donc Dessa Gagna Diop, ancien pivot, hein, j'aurais jamais pensé que ce type-là aurait pu être coach un jour. Et puis, bah, écoute, en tout cas, force de constater que sa méthode marche et qu'il fait gagner l'équipe. Donc voilà, c'est un C'est nom. pas. Ah oui, c'est pas Johnny Davis, le joueur Johnny Davis, de. Ouais, c'est ça. exactement, exactement, Johnny Davis, exactement. Et ben ouais, en plus drafté assez haut, ouais, je crois qu'il a été, je crois qu'il était, il était l'autre, il était l'autre pick, hein, Oh, Johnny quelque chose Davis. dans le genre, ouais, il était sur les radars des Knicks au moment de sa draft. Visiblement, il a quand même un petit peu de talent et il intéresse toujours New York. Mais voilà, effectivement, des fois, il y a des passerelles qui peuvent se faire avec cette G-League. On pensait voir un TJ Warren rebondir à New York Ouais. lorsqu'on avait un peu besoin d'élargir la rotation sur certains profils. Ça ne s'est pas fait. En Bon. sachant que tu as vu donc le 10-day, le deuxième 10-day pour PJ Tucker, c'est fini. Et donc là, il se dirait qu'ils allaient peut-être lui proposer un contrat un peu plus long cette fois-ci. Voilà, visiblement, ils ont bien aimé la façon dont il se lève, qu'il s'assoit, qu'il applaudit, qu'il dit à Joe Charles de tirer. Visiblement, ils ont. Et il a des belles chaussures, il a des belles chaussures. Voilà. Bref, bon, vous l'avez compris, la G-League, en tout cas, ça se passe bien aussi pour cette équipe des autres Voilà, à la Knicks. vôtre, Linux. À la vôtre, les Knicks. Et des Knicks, on les a vus un petit peu à toutes les sauces cette semaine. On l'a vu aussi à la sauce Ghibli. Ghibli, c'est quoi? Vous devez connaître un petit peu cet auteur. Alors, je vais pas écorcher son nom parce que moi, le japonais, c'est pas trop. Ma langue maternelle, clairement pas, ni ma langue d'adoption. Mais en tout cas, voilà, on a pu voir avec l'IA qui fait parler un peu à droite à gauche sur le net tout un tas de créations, de remixes de créations, de réinterprétations de certains moments iconiques ou certaines références de films, moments sportifs. Bref, les Knicks ont aussi eu le droit à leur remix par les internautes, les twittos et autres. Geeks qui ont remixé quelques moments voilà, de la vie d'Enix. C'est mignon à voir. Et ça a plu, entre autres, à qui? À Mitchell Robinson. On le connaît, on le sait. C'est un grand fan de tout ce qui peut passer sur les réseaux sociaux. Et il a beaucoup aimé ce petit remix où on voit Josh Hart et Tom Thibodeau se prendre en grippe lors d'un temps mort. C'était sur je ne sais plus quel match il y a quelques semaines de ça. Il a demandé à trouver quelqu'un qui pourrait partager ça à Tom Thibodeau. Est-ce que Tom Thibodeau est sur les réseaux sociaux? Moins que Mitchell Robinson, clairement. Mais Josh Hart a aussi apprécié, à voir si Tom Thibodeau arrive à voir cette version revisitée de cette saison d'Enix. Il y a quand même, en tout cas sur cette saison, des moments un petit peu forts. Les célébrations de Chibi, on les connaît. La célébration de Karl-Anthony Towns lorsqu'il avait montré ce New York, fier d'avoir mis un buzzer beater. Et puis, Mikal Bridges. Il y aura quelques petits moments marquants qui resteront, en tout cas dans cette saison régulière. À voir si ça sera du cru des plus belles saisons d'Enix. Mais en tout cas, il y a des moments qui ont marqué les fans NBA. Non, mais après, cet artiste est connu, hein, c'est Hayao Miyazaki. Voilà, tu prononces beaucoup mieux que moi. Il est connu, il a fait donc beaucoup de films, en tout cas des films d'animation comme la princesse Mononoké, le château ambulant, mon voisin Totoro. Voilà, donc c'est un artiste. Je ne sais pas si on peut le qualifier de mangaka, mais en tout cas, c'est quelqu'un dans le monde de l'illustration et de la. Et Une référence. de. Voilà, c'est très très très connu. Miyazaki, c'est un monsieur. Est-ce que c'est un fan d'Enix? Pas sûr. Faut lui Pas demander. sûr. Faut lui demander. Bon. Mais lui aussi est vieux, hein. Il a plus de 80 ans. Voilà. Il a vu la troisième gagner. Donc ça, Enfin, il l'a vu, on sait pas, mais il était de c'est. la même génération, en tout Il cas. était dans la salle. Il était dans la Bon, allez, deux salles NBA, on parle, oui, mais peut-être des salles NBA qui viendront bientôt en Europe. Adam Silver a tenu une petite conférence de presse où il est revenu sur différents éléments de l'actualité de la ligue. Voilà, il a parlé du All-Star Game, de la formule qui, bah, visiblement, n'était pas la bonne. Donc l'année prochaine, ils vont changer. Ça Ils vont changer. devient un running gag, cette histoire, en fait. Ouais, je pensais qu'avec cette formule de tournoi, ils allaient essayer de tester ça sur 2-3 saisons, voir un petit peu comment ça allait prendre. Ça n'a pas plu, ça a pas plu faute à qui? C'est qui? ABC, là, qui a torpillé le truc à base de mecs qui font les clowns pendant 2 heures, quoi. Donc, sinon, laissez les joueurs jouer, et puis voilà, on aura du basket. Donc voilà, la formule tournoi en soi, est-ce qu'elle était bonne, pas bonne? Bon, il y avait sûrement des ajustements à faire. Visiblement, ça leur a pas plu. Ils vont revoir leur copie encore une fois la saison prochaine. Ça devient un petit peu risible et il y a un moment où on va vraiment se poser la question de savoir s'il va pas falloir arrêter ce All-Star Weekend. Visiblement, c'est pas le cas puisqu'il y a 2-3 saisons encore, 2-3 villes candidates qui vont accueillir cet événement de mi-saison. Donc, il y aura des choses à faire, mais quoi, comment, et ben ça, on le verra la saison prochaine. L'All-Star Weekend et la formule du All-Star Game, on en a déjà parlé, on va pas trop s'attarder dessus. Par contre, ce qui a un petit peu refait débat, ou en tout cas qui a attiré la curiosité de toute une partie du public, c'est l'évocation de l'arrivée, pourquoi pas, d'une sorte de Ligue NBA Europe. Alors, on n'a pas beaucoup de détails, on ne sait pas trop quel est le plan. Déjà, quand ils n'arrivent pas à organiser un All-Star Game, organiser une ligue en Europe, voilà, ça paraît encore un petit peu plus flou. Beaucoup pensaient à un moment, parce Ouais, que ça fait des années. All-Star Game et NBA Europe, bien pourri aussi. Ouais. Bah, le All-Star, blague à part, le All-Star français, qui a été Non, en oui. difficulté pendant des années, se retrouve à être un événement maintenant qui fonctionne, qui marche, qui attire du monde, qui a aussi une certaine forme de médiatisation. Tout ça raccourci sur une soirée. Voilà, c'est pas un week-end où on essaye de faire tout un tas d'événements. Non, on fait un match, et puis on fait des concours, et on fait tout ça sur une grosse soirée. Et ça marche plutôt bien en France. Donc, est-ce que la France va inspirer les États-Unis pour son All-Star? Bon, pas certain. Mais en tout cas, les États-Unis et la NBA lorgnent de plus en plus sur l'Europe. Voilà, il y a eu quelques informations, mais on ne sait pas trop quel est ce plan. C'est une discussion avec la FIBA, c'est pas avec l'Euroleague, Oui. pour à horizon 2027. Tu fais bien de le souligner, oui. Que c'est avec la Voilà, FIBA. donc on ne sait pas trop quels sont les plans, quelles sont les discussions, les réflexions. Ne vous attendez pas à voir une équipe à Paris qui va jouer contre les Chicago Bulls, contre les Boston Celtics, contre les Los Angeles Lakers, ou que sais-je, les New York Knicks. Non, peut-être en pré-saison, il y aura peut-être des rencontres comme ça qui se feront en dehors du championnat NBA, mais la formule 82 matchs, 30 franchises, conférence Est-Ouest, ça va pas devenir avec une troisième conférence Non, la conférence Europe. il On parle parle d'une d'une ligue. ligue à part. d'une ligue de 17 équipes, hein, avec 4 sûres, et après, visiblement, ça pourrait tourner selon les résultats domestiques. Visiblement, c'est ce qu'ils voudraient conserver. Comme tu as dit, c'est avec la FIBA que ça discute. La FIBA, si elle peut glisser une quenelle à nos amis de l'Euroleague, ils vont pas s'en empêcher. Après, tout s'achète avec du fric. Tout s'achète avec du fric. Donc, si à un moment donné, tu poses plus d'oseille sur la table que l'Euroleague, tu vas avoir les grands clubs européens, les grands clubs des Balkans, les grands clubs espagnols ou les grands clubs d'Europe de l'Est, enfin, plutôt Lituanie et compagnie, qui à un moment donné choisiront ce modèle-là. Faut voir comment ça sera proposé. Moi, je suis pas spécialement emballé par cette histoire, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a un basket européen qui fonctionne. On forme des joueurs, on forme des grands joueurs. La preuve est, c'est que les MVP Récents de la NBA de sont NBA, plutôt de hors NBA, US. voilà, sont hors US. Les draftés, écoute, ça fait 2 années consécutives où on a un petit Français qui y va. Sinon, on a quand même souvent des Européens qui sont draftés. On a un basket qui fonctionne, qui marche. On n'a pas besoin d'avoir la NBA qui vienne nous dire fais ça, faites plutôt comme ça. Plutôt comme ça, parce que je pense qu'en termes d'ambiance dans les salles européennes, tu vas voir les salles serbes ou les salles grecques, c'est du délire, c'est Qui du n'ont délire. rien à envier avec l'ambiance NBA, au Ah mais contraire. oui, au contraire, tu fais bien de Au dire au contraire. contraire. Donc je ne vois pas l'intérêt, après, hormis D'un point de vue évidemment basket. D'un point de vue marqué, basket. voilà, au point de vue basket, rien à apprendre. Au point de vue marketing, voilà, ça va être pour se faire encore plus d'oseille. Mais ça restera une ligue très. Voilà, comme tu l'as dit, hein, ça restera une ligue B de la NBA. Il y aura la NBA A, la NBA américaine, et il y aura la NBA E, la NBA Europe, mais qui sera vraiment en dessous, parce qu'il faut bien se dire. Hein. Alors peut-être qu'ils feront le champion, ils feront un match comme ça, un peu style, tu sais, pendant la Summer League. Tu vois, pendant la Summer League, ils feront un truc pourri, là, comme ça. Tiens, le champion NBA contre le champion de NBA Europe. Mais après, derrière, ça restera. Là, tu vois, on en parlait un peu en off. Les Knicks vont drafter pas comme Dadier. Et puis, ils vont le refourguer, je sais pas, moi, aux Coyotes de De Séville. Montpellier. Au Coyote de Montpellier, et puis il fera sa petite saison là, et peut-être même qu'il ne verra jamais la NBA avec américaine. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, ça ne me hype zéro. Voilà, laissez faire les choses comme elles sont. C'est juste à un moment donné des histoires de gros sous. Voilà, mais ils vont sûrement y arriver. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ça va être foireux. Et on va se retrouver avec, finalement, on avait un modèle Euroleague qui marchait bien et qui marche bien. Le seul souci que je peux reprocher, c'est les problèmes de canaux de diffusion au niveau de Ouais, l'Euroleague, où là, au niveau média. ça manque d'un vrai média basket européen où tu peux vraiment, enfin, mais Et en sinon. même temps, quand on regarde aux États-Unis, la façon dont les matchs sont un petit peu splittés aussi au niveau de l'offre, on se plaint parce que on a aussi le vécu par rapport à la France et le championnat français, la diffusion de certaines rencontres de foot qui sont un petit peu éclatées sur plusieurs bouquets et des prix qui vont à la hausse. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est aussi une offre qui est morcelée. Il y a le NBA League Pass. Donc voilà, la NBA a le poids financier technique pour pouvoir produire aussi son offre qui permet de voir les matchs, les rencontres. Mais voilà, sur les canaux de diffusion télé traditionnels, c'est aussi morcelé aux États-Unis, c'est morcelé en Europe. T'as ce média, Squeak TV, je connais pas plus que ça. DAZN, ouais, C'est compagnie. eux qui ont les droits de l'Euroligue. Bref, moi ça me. Moi, je suis plutôt un peu comme toi, un peu, je doute sur vraiment l'intérêt. L'intérêt d'un point de vue basket, on l'a dit, il y a déjà des infrastructures, des championnats qui sont installés. Est-ce que c'est pas un peu forcé, tiré par les cheveux, de vouloir faire une NBA Europe? Il y a l'initiative en Afrique qui est louable parce qu'elle permet aussi d'apporter des infrastructures, Oui, voilà. d'apporter un développement au basket africain et permettre à certains talents d'émerger et pourquoi pas alors avoir une passerelle Bien vers la sûr. grande ligue qui est la NBA. Mais vis-à-vis de l'Europe, C'est pas le voilà, cas. la formation, les infrastructures, des arènes sportives, est-ce qu'on Oui. va construire des grosses salles à la dimension NBA? Est-ce que tu les La rempliras NBA, lorsque. plus? Bah, Est-ce c'est que tu ça, les la. rempliras plus? Quand la NBA vient jouer en Europe, et en l'occurrence à Paris, c'était l'Accor Hotel Arena, Bercy, pour les anciens. Bon, ok, ça remplit sur des gros matchs parce qu'il y en a peu, Parce il y que en a deux c'est un maintenant. événement, voilà, Mais faire un championnat de je ne sais combien de matchs, parce que là, pareil, une ligue de 16 équipes, bon, ça ferait peut-être pas 82 matchs la saison, ça ferait peut-être une trentaine, quarantaine de matchs, mais est-ce qu'ils auraient la capacité de remplir dans toutes les villes? De quelle ville on parle? Est-ce que ça va être en concurrence avec des clubs d'Euroleague ou autres? Est-ce que ça va être. Voilà, il y a vraiment un gros doute qui se Et positionne comment va là-dessus. réagir l'Euroligue? Parce que, comme je te dis, si t'as le Real Madrid, on leur dit, bah, le Real Madrid va faire partie Vous allez où? de... Vous jouez où? Voilà. Est-ce que t'as, l'Euroligue va dire, bah, écoutez, c'est simple, soit vous faites partie de nous, soit en fait vous faites partie de eux, mais à un moment donné, il va falloir choisir. C'est évident que l'Euroligue va vouloir se défendre par rapport à ça. Et parce que, donc... Le risque, c'est plus d'apporter de la division, de la scission, Eh ouais. que d'apporter vraiment quelque chose d'attendu. Aujourd'hui, est-ce qu'on attend des pseudo-équipes NBA? Parce qu'il faut appeler un chat un chat, ce sera des pseudo-équipes Oui. NBA. Il y aura peut-être un aspect marketing, on verra un logo avec je ne sais quel Oui, voilà. logoman dessus, on se dira, ouais, c'est la sorte de NBA, quoi. Comme quand tu achètes un vieux Mario acheté sur Bah, un tu vieux sais, réplica douteux, acheté sur un marché, on dirait, ouais, c'est un tu truc. sais, tu l'as le logo façon NBA en G-League avec le bonhomme qui dunk avec le petit G. Et ben, ça fera la même chose et tu auras un bonhomme avec un petit E, tu vois, voilà, qui Qui voudra fera un jouer à. Ouais. lay-up. Non, mais. Ouais, c'est. Bon, vous l'avez compris, on n'est pas hyper emballé par cette histoire. C'est Non. pas pour tout de suite. Ça parle plutôt de 2027. Et puis peut-être revenir aux discussions en 2027. On n'en a pas évoqué ce sujet, mais les Boston Celtics ont été rachetés récemment à un prix qui défie toute concurrence, hein. Nous, on a essayé de se positionner, Seb et moi, et on était un petit peu court au niveau des enchères. Ouais, c'est pas Bon. passé. À pas grand-chose, hein. Franchement, à pas grand-chose, mais bon. On avait des mecs pourtant qui nous suivaient, hein, je veux dire, Ah, qui était chaud, hein. on Ouais, qui avait des était reins chaud. solides, mais voilà, pas assez solides visiblement. Visiblement, non, ça manquait de reins et de solidité. Mais voilà, en tout cas, la NBA aussi, il y a des questions autour de son expansion. Tout un tas de sujets. On sait que Adam Silver aime plutôt Le essayer de pognon, hein, moderniser pardon, la chose. C'est une entreprise, c'est une le... entreprise, la Et oui, NBA. bien sûr. Et que les audiences télé vont pas très très bien. Donc voilà, à voir où tout ça nous mène. Il leur faut des Mais gros on n'est playoffs. pas tellement emballé, hein. Voilà, Totalement. il leur faut des gros playoffs, il leur faut des grosses équipes en playoffs, et notamment des finales, il leur faut parce que, voilà, si tu te retrouves avec Indiana, Minnesota en playoffs, ça va faire la gueule chez Non. Mickey. En Donc, finale. Non, non, non. Non, un petit Knicks Lakers, ça serait pas mal, hein. Allez, on revient aux US. Bah oui, pourquoi pas. Et on revient sur New York, justement. Est-ce que New York ira en finale cette saison? On verra. Est-ce qu'on y croit plus que cette histoire de NBA Europe? À voir. Mais en tout cas, les Knicks, bah, ils ont quelques petits problèmes en ce moment. Des problèmes sur un poste particulier, le poste de meneur. Après Jalen Brunson blessé, on a eu Miles McBride blessé. Et maintenant, on a Cam Payne blessé. Heureusement, Tom Thibodeau nous a dit, pas de problème, j'en ai en réserve. Et Ils sont en frais. réalité. Et ils sont frais. Hein. Attention les mecs. Hein. Là, ils Ah sont. bah. Ils sont pas cramés, eux. Ils ont Ah, pas. non. Hein, ils sont pas dans le top 10 des plus grosses minutes de Eux, jouer ils jusqu'à sont présent. au taquet, les mecs. Il faut se tenir prêt. Ils se sont tenus prêts. On parle de qui? Bah, Cam Payne, il a débuté la semaine en tant que meneur titulaire. Il avait plutôt bien joué en plus. Manque de bol, une mi-temps, il s'est blessé. Et qui a pris la relève? Bah, on a eu du Tyler Colec et du Delon Wright. On se demandait un petit peu pour qui, pourquoi Delon Wright était arrivé. C'était dans le fameux trade de Jericho Sims, un joueur récupéré comme ça. Un meneur, un arrière, un point guard, voilà, combo guard peut-être. Un peu plus grand que Tyler Collect, c'est certain. Réputé plutôt pour sa défense, mais qu'on avait un petit peu perdu de vue dans la ligue NBA actuelle, avec des passages dans différentes équipes et qui n'ont pas forcément trop été marquants ces dernières saisons. Et puis le rookie Tyler Collect qu'on attendait. Il a voyagé, l'ami Delon. Ouais, et imagine le jour où il va jouer en NBA Europe, il va voyager encore plus. Bref, dixième, Tyler Collect. Dixième équipe NBA quand même. Et ouais, il y en a qui ont le goût du pays, hein, qui ont des miles sur leur ou pas. Des fois, ils ont peut-être pas le choix aussi, hein. Oui, bah, il faut bien nourrir la famille, hein. En tout cas, voilà, on a eu différentes utilisations de meneurs cette semaine, un peu par la force des choses. Miles McBride, on n'a pas forcément de retour sur la progression de sa blessure et comment il s'en remet. En ce qui se concerne Jalen Brunson, il a pu témoigner à visage découvert face aux caméras pas plus tard que dans la nuit dernière pour être présent entre autres à l'anniversaire de Walt Frazier au Garden, et il indique qu'il est sur le bon retour, que les choses progressent bien, qu'il a envie de reprendre la compétition, tout ça. Bon, un storytelling, une narrative qu'on pouvait voir venir. Il a besoin aussi de quelques matchs pour valider, si possible, des récompenses de fin de saison. Ils m'ont dit que c'est bon. Il lui-même a dit qu'il était autorisé à jouer au basket. Ouais, donc voilà, il va vouloir reprendre doucement, mais sûrement, quelques matchs avant d'attaquer les playoffs. Et c'est plutôt sage. À voir quand est-ce qu'on le revoit. Il n'y a pas besoin de précipiter la chose non plus. On va le voir en termes de classement. La place des Knicks est plutôt assurée. Et en ce moment, bah, ça joue pas si mal que ça. Sur le mois de mars, on est sur un bilan de 8 victoires, 7 défaites. Avec l'absence de leur capitaine et meneur All-Star, qui est Jalen Brunson. Donc voilà, on a limité la casse. 100 places perdues au classement. Donc voilà, dans les rencontres, il y a eu par moments des moments d'absence où on s'est dit « Ah, si Jalen Brunson était là, ça se passerait pas de la même façon. » Ça manque de patron, mais que ce soit Campaign, que ce soit Tyler Collect en backup, Tyler Collect n'a pas eu le droit d'avoir son match en tant que starter. Et puis Delon Wright, qu'on a vu là sur les deux derniers matchs, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de cette triplette de meneurs de secours? Campaign a le rôle de backup depuis le début de la saison, McBride était plutôt sur un poste 2 et a dépanné en tant que starter avant de se blesser. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ces trois meneurs qu'on a vus cette semaine, dans des registres différents et avec des qualités différentes? Qu'est-ce que tu penses de ces trois-là? Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Tom Thibodeau, au niveau de la rotation, ne se prend pas trop la tête. Dans le sens où... Il n'a pas splitté les minutes, quoi. C'est... Alors, voilà, on avait donc une rotation Deuce McBride avec Jalen Brunson, le titulaire. Bon, quand Jalen Brunson est parti, Deuce McBride a récupéré les minutes de Jalen Brunson et Campaign, par la force des choses, a eu son temps de jeu qui a un peu augmenté pour revenir à celle de Miles McBride. Et ensuite, McBride est parti, Payne a pris sa place, donc il a pris ses minutes. Collect a pris les minutes de après les minutes de donc de Payne qui était parti, bref. Et entre-temps, Payne est parti, donc c'est... Pour l'instant, il fait pas encore assez confiance au rookie. C'est Delon Wright qui a pris les minutes. Donc bon, les rotations au niveau des temps des jeux restent exactement les mêmes. Il n'y a pas forcément d'ajustement là-dessus, mais ça, il fallait s'en douter. On joue avec deux meneurs, quoi. Il y a pas un troisième meneur où il y a pas. Ouais, non, mais même il y a pas. Après, il y a pas de folie inventive, hein, ça, on le sait de la part de. Il n'y a pas non plus un Mikal qui prend une sorte de relais en étant meneur ou Josh Hart. En tant que poste 1, en n'ayant ni Collect, ni Payne, ni Wright. Il y a eu de longues séquences où c'était Hart qui portait la balle. T'as eu des séquences où t'en avais aucun sur le terrain. De Wright ou Collect. Ah ouais. T'as eu des séquences où t'avais Hart, Mikal, OG, Kat et Mitchell Robinson. Ah oui, si. Même moi, je me suis fait la réflexion en me disant, tiens, c'est marrant, il y a aucun meneur là-dessus. J'ai moins fait gaffe sur cette semaine. C'était pas sur un carton, mais non. Je sais que j'ai un petit peu regardé comme ça et il y a eu des séquences où okay. En fait, voilà. Bon, bref. Bah écoute, Collec. Dylan White, pas mal. Collec. Alors commençons Oui. par Colec. Bah Colec, bah on savait que c'est un super passeur. On en avait parlé la semaine dernière. Je pourrais lui reprocher son manque d'agressivité au panier. Tu vois là, donc sur les 4 matchs qu'il a joué, parce qu'il en a joué 4, hein, avant les autres étaient plus. Sur les Ouais. 4 matchs qu'il a joué, 5 hein, en comptant, mais là pour l'instant, Basketball Reference n'en parle pas. Même si hier il était un peu plus en difficulté, je crois qu'il finit avec 3 passes. Je crois qu'il finit avec 3 passes, l'ami. L'ami Collet qui finit à 3 passes, ouais. Ah ouais, 3 passes de rebond et 14 minutes sur le voilà. match face au Portland. Voilà, exactement. Et 0 point. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. C'est parce qu'en effet, il crée et il crée bien et il a une bonne Pour les autres. cuta. Ouais, et tu vois, il finit, tu vois, sur les 4 matchs, en tout cas, là, il a une moyenne de passes de 7,3. C'est bien, c'est super bien. Et surtout aussi très très peu de pertes de balles. C'est ça qui a été relevé à un moment donné. On a un Tyler Collect qui passait des ballons mais qui perdait jamais le ballon. Donc ça c'est plutôt bien pour un meneur. En 5 matchs, il en a perdu 2. En 5 Sur matchs. un temps de jeu en plus qui du coup là devient significatif. Ouais. J'ai pas la moyenne sur ces Elle cinq matchs tombe, elle tombe un peu, ça. Elle tombe un peu. Je veux dire, il a commencé à 18, après 19, 18, 17. Hier, il a joué 14 minutes. Donc, là, ça tombe, ça commence à tomber un petit peu. Mais voilà, donc, mais il finit avec moins de 3 points de moyenne. Pour moi, c'est pas assez. En Pour un 14 meneur minutes. en NBA moderne où on a besoin aussi d'avoir une capacité de shoot à 3 points, même s'il y a d'autres shooters dans l'équipe, voilà, c'est bien qu'il soit aussi pas que un passeur et qu'il puisse apporter un petit peu de scoring. Alors on sait qu'il n'est pas le plus gros athlète en termes de dimensionnement de gabarit de cette ligue, de Non. cette équipe, mais pour autant, c'est vrai qu'un joueur qui ne shoote jamais, eh ben, tu le défends pas de la même façon, tu vas défendre ses lignes de passe Et c'est ça. et C'est finalement ça. tu peux lui laisser des shoots. Et voilà, donc Et c'est au un joueur qui n'est final, pas menaçant offensivement, c'est pas une menace directe en tout cas. je suis d'accord. C'est au final, si tu l'identifies comme une non-menace offensive, et ben du coup, sa qualité de création va s'en retrouver pénalisée. Ben parce que ben forcément il sera moins bien défendu, donc les autres seront mieux défendus. Ben voilà. Donc du coup, voilà, après. C'est le bémol qu'on peut, on va dire, citer quand on parle de Tyler Collect. On l'aime bien, c'est un joueur, c'est un rookie de 24 ans, certes, mais c'est un rookie. Ouais, Donc il a et encore un d'ailleurs, peu de il a temps eu. pour apprendre. Ça a été son anniversaire cette semaine aussi. Cette semaine, Il a fait effectivement. ses 24 ans. Donc ouais, donc 24 ans, ça commence quand même déjà, tu vois, t'es plus sur un rookie de 20-21. Donc on va dire que cette maturité en tant que rookie lui confère un rôle en tant que court vision, passing game qui est plutôt bon, Mais protection du ballon qui est plutôt bonne, ça veut dire mais ça aussi, manque d'initiative quoi. ça veut dire aussi que son plafond La est marge, plus ouais. limité. Donc forcément, c'est un joueur qui tourne en double-double en G-League. Donc il sait scorer, puis on l'a vu sur des layups des fois un peu compliqués. Après, il a eu des shoots des fois pas faciles en fin de possession. J'aime ça. C'est un autre aspect du jeu. J'aime sa façon dont il a d'identifier les mecs ouverts, la bonne passe. Voilà, il a des super mains. Après, voilà, ce que je lui reprocherais, c'est des fois, Manque d'initiative personnelle, quoi. vas-y mon garçon, vas-y quoi. Bah, Tu t'es ouvert une ligne de drive, vas-y quoi. Va on l'a marquer. reproché à un Frank Ntilikina qui venait dans un contexte complètement différent, plus jeune, avec moins de bagages de formation, on va dire. Bah, il n'était pas passé par la NCAA, il avait joué en Europe, certes, mais c'était différent. Et on reprochait ce côté à. Il veut trop jouer pour les autres, il veut trop faire la passe en premier. Et en NBA, on existe aussi par les points qu'on met. Tyler Collect, même s'il tourne avec une très belle moyenne de passes, c'est très louable. Bah voilà, des fois le plus-minus, il est à son désavantage parce que bah il n'y a pas aussi le scoring qui va à côté. Et que peut-être que l'équipe sur le moment, voilà, parce qu'il n'est pas tout seul non plus sur le terrain pour avoir un plus-minus négatif. Mais voilà, malgré ses belles passes et sa belle protection du ballon. C'était peut-être un petit peu léger. Donc voilà. Donc beaucoup de gens voulaient le voir à l'œuvre. Et on a quand même un petit échantillon qui est intéressant. Surtout que l'équipe joue assez collectivement en ce moment. On n'a pas d'ISO 4, on n'a pas d'ISO Mical. On a quand même un jeu collectif qui a noté au niveau de l'équipe. Donc il y contribue. Mais voilà. Pour exister, il va falloir aussi apporter offensivement là où. Wright, là où Payne vont avoir cette capacité à mettre des shoots aussi. Donc, à voir un petit peu le travail qui sera à mener pour Tyler Colec. Un bon passage, mais on a envie de dire peut encore mieux faire. Peut-être pas à la passe, mais dans ta production au global, quoi. Bah, si l'année prochaine il veut être le backup officiel de Jalen Brunson, il faut qu'il l'amène plus offensivement parce que Tom Thibodeau, à un moment donné, déjà que défensivement, son gabarit frêle, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui l'excite beaucoup, ça, l'ami Tom. Bah, on a un Mike Bride qui est pas très grand, mais qui est plutôt physique autrement, qui est plutôt musclé, qui est plutôt rapide et qui va mettre la défense en avant. Et on a un Delon Wright aussi qui a cette capacité-là. D'où aussi, on s'est posé la question de se dire, ah, est-ce que ça y est, maintenant c'est Tyler Colec qui va être titulaire? Ah bah non, c'est Delon Wright. Et je pense que Thibodeau, bah, il aime cet aspect défensif en premier rideau. Même si avec Brunson, c'est pas ce qu'il a. Mais parce Brunson, il que a un Jalen talent Brunson, offensif c'est un qui All-Star. compense. C'est Voilà. un All-Star. Mais quitte à choisir un backup, et c'est pour ça que Payne aussi est présent dans la hiérarchie, Payne apporte cette défense qui vaut ce qu'elle vaut, qui est peut-être pas celle qu'on préfère, ou voilà, on n'aime pas Payne parce que, je sais pas, on n'aime pas Payne. Mais Il y a voilà, il du a aussi vice. ce... Il y a du vice dans Payne. Ouais, on va pas trop voir un Tyler Colec sur des interceptions. On va peut-être plus le voir sur du Sur du Payne ou sur passage du en... Wright. L'intelligence du passage en force aussi que des fois à Cameron Payne. Ben, après, c'est normal aussi, j'ai envie de te dire, Cameron Payne comme Delon Il y White, a l'expérience. quel âge ils ont? Ils ont 32, 33 ans. Voilà, comme tu y as de l'expérience, ce sont des vétérans de la ligue. Colec est un rookie qui découvre tout ça. Est-ce qu'on va lui laisser le découvrir chez les Knicks ou est-ce que, il va le découvrir ailleurs, notamment Alors. peut-être au Montpellier Pirates Coyote? Ouais, Ça s'appelle les coyotes? mais on Non, a c'est la pas. Méditerranée, donc j'ai envie de dire les pirates, Ok. tu vois. Ok. En fait, ceci dit, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de lac à Los Angeles, mais ça s'explique autrement. Mais, ou de jazz dans l'Utah. Mais Parce que moi, voilà. les pirates, je les aurais plutôt vus à Saint-Malo, mais bon, enfin, Après, il peut y avoir les bref. Saint-Malo Pirates. Si t'as envie que Tyler Cohen joue aux Saint-Malo Pirates. Moi, je suis pas contre. Hein, après, je prêche pour mon équipe NBA dans le coin, quoi. Voilà, Donc... c'est ça. On va appeler Adam, mais du coup, ça va être compliqué en Les 2027 de se Corsaires? mettre d'accord. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur les Corsaires de Montpellier alors? Et les Bah, les Pirates de corsaires, Saint-Malo? les corsaires de Saint-Malo, mais bon. Eh, Ah, bon, tu vas pas on tous les verra, mais en tout prendre. Tu vas cas. pas tous les prendre. Non, Bah, mais c'est la voilà, cité donc. corsaire. Donc écoute, ouais, on verra par la suite. C'est dommage parce que c'est un joueur que perso j'aime bien voir jouer parce que justement il fluidifie le jeu, ça passe souvent par lui, bam bam. Mais En fait, est-ce je vais que utiliser un adjectif qu'on utilise peu maintenant en NBA, mais c'est un meneur peut-être à l'ancienne, un meneur gestionnaire. Il va jouer pour les autres, il va diriger le jeu avant de penser à lui. Et ça, Stocktonesque, tu vois. malheureusement, en Un peu NBA. dans ce gabarit, quoi. Stocktonesque, quoi. Ouais, Donc, et on n'en voit plus ou pas en NBA. Dans les autres franchises, il y a peu de meneurs de ce type qui bah, c'est vont vrai que c'est exceller à beaucoup la sur le passe physique. et être beaucoup en retrait sur le scoring et peut-être aussi un peu light Bah, en défense, quoi. après, t'en as quand même. C'est-à-dire que tu vas avoir des Haliburton, des Trae Young. C'est quand même vachement plus. C'est quand même plus des meneurs gestionnaires à la passe. Que par exemple un Jalen Brunson, un Fox, qui eux vont être plus Oui. des scoreurs. Tu en as Ça score quand encore? même à Liberton, quoi. Oui, mais ça fait plus de passes. C'est quand même plus altruiste. C'est ça que je veux dire. Haliburton, il score, mais c'est quand même plus altruiste qu'un Fox. Non, mais on a Trae Young aussi qui est dans ce registre aussi qui Voilà. excelle à la passe cette saison, mais qui a son shoot à 3 points aussi Voilà, mais après, plutôt parce longue que distance, derrière, ils qui est ont. cette deuxième arme, quoi. Non, mais pas... Oui, mais tu vois, par exemple, Trae Young, c'est pas un monstre physique. Ah oh non, clairement pas. Voilà. Donc, on peut aussi le qualifier un peu de meneur à Et l'ancienne. qui défensivement, voilà, a des lacunes, on va dire ça comme ça, Voilà. pour être gentil avec lui, parce que sinon vous direz, ah, vous faites du young bashing. M Non. mais, Mais oh, mais après, voilà. Mais c'est sûr que des profils à la Trae Young, par exemple, qui sortent un billet de ces profils-là, petit bois. Il y en a, c'est sûr que ça court pas les rues, quoi. C'est plus des profils maintenant de meneurs, voilà, comme tu dis, à la Jalen Brunson, à la Fox, des meneurs comme ça, des meneurs percutants, des meneurs scoreurs et moins des meneurs gestionnaires. Voilà. Donc c'est bon à avoir dans l'effectif, à voir si la place peut être sécurisée et entre autres plus pour l'année prochaine. Bon, c'est intéressant de le voir à l'œuvre. Il va falloir juste nous faire Il un aura de petit la place s'il y a. match à 12 points, comme ça on sera tranquille, quoi. Il aura de la Ça, place s'il y capable de a. le faire. Il aura de la place s'il y a trade, s'il décide de lui donner la place et que cet été, un Miles McBride a une cote plus élevée et à un moment donné, il y a un trade qui est monté pour je ne sais qui et le front office pense que c'est le moment de lui donner la place de backup. Dans ces cas, on lui fera la place. Sinon, je ne le Pour vois pas pas. cher, un rookie pour pas cher, enfin un rookie ou un sophomore pour pas cher. Sinon, pour l'instant, en l'état, l'année prochaine, au vu des contrats garantis, je ne le vois pas passer dans la rotation devant McBride. Même si McBride a joué deux, était deux. Hein, Colette McBride, ça peut jouer ensemble. Mais après, voilà, c'est sûr que pour le coup, t'es sous les 1,90 m. Voilà, C'est on peut dire. small ball d'entrée de jeu, pas sur le banc. Voilà, very small ball. Et alors, pour finir avec notre petite review des arrières, Delon Wright, qu'est-ce que tu en as pensé sur deux matchs? Un bon C'est premier bien. match, un deuxième un peu moins efficace, mais plutôt intéressant dans ses passages en tout cas. Ouais, bah après c'est du Delon White, c'est un joueur comme là pour le coup qui est sur notre registre, plus physique, avec une belle défense sur l'homme, qui peut arriver à mettre des petits paniers. Alors c'est sûr que son premier match, voilà, plus compliqué parce qu'il commence contre les Clippers, donc c'est pas c'est au niveau de la au niveau des Le matchs match-up de l'opposition, c'est pas ce qu'il y a de d'opposition. plus simple, quoi. Voilà. Par contre, Là. sur le second, où il a été titulaire, face aux Bucks, bah plutôt Ouais, très bon, quoi. plutôt très bon. Et puis hier encore, hein, hier encore pas mal. Il finit avec 7 points, 4 bons, 2 passes. Écoute, voilà, c'est sûr que c'est moins passeur qu'un collègue, mais c'est plus all-around, c'est plus complet, c'est plus vétéran, ça connaît plus la ligue. Voilà, donc non, mais c'est bien, tu vois, comme quoi. Eh ben, il y a des mecs qui savent jouer au basket sur ce banc, quoi. Tu vois, c'est incroyable. Donc, écoute, voilà. Bon, ça n'empêchera pas qu'il ne verra qu'à l'arrivée des blessés, il ne verra plus jamais le banc, le parquet. Parce que quand t'es... Ah, si on a le retour de JB, on va avoir le retour de JB. Si on a le retour de Juice, pardon, bah oui, ça va Non, mais même retourner sur le banc. avec le retour de Cameron Payne, pareil. Aussi. Ouais. Alors que des fois, Cameron Payne, t'as envie de dire, mais il a quoi? C'est quoi son immunité? Ou à Chamet, t'as envie de dire, mais c'est quoi son immunité? Il peut prendre les minutes de Chamet, il peut jouer deux. Enfin, je veux dire, il a le. Tu vois. Tu te dis, bon, ben, c'est quoi en fait? Il a un contrat, il a des secrets sur Thibodeau. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il dit pas, bon, là, ce soir, t'es pas terrible. Delon, allez, vas-y, prépare-toi, vas-y, rentre mon cran. Bah, Voilà. ça peut jouer, on va dire, en sa faveur si effectivement. Zéro, zéro chance, Non, dans le zéro sens chance. vis-à-vis de Chamet, s'il y a des moments où on a besoin de un peu plus de défense, parce qu'il est un peu plus physique, Delon Wright, que Chamet. Mais en même temps, en étant, Chamet a des bons passages aussi. Donc, Des fois, ouais, bon. mais Ça justement, pourrait se concurrencer à ce niveau-là, et non voilà, en tout mais cas, ça sera. des fois, non mais oui, là, des fois, il a des bons passages, mais je te parle Au global, ouais. à des moments où le mec, en fait, n'est pas dedans. Moi, je me rappelle toujours très bien la première année de la première année de Thibodeau. On pensait que Frank Ntilikina allait avoir des minutes, il n'en avait pas eu. Finalement, il en a eu à cause des blessures. Il a fait 12 matchs, 12 bons matchs, que je vais trouver plutôt bons, plutôt convaincants. Il avait fait 12 bons matchs, mais n'empêche que ces 12 matchs n'ont pas pesé grand-chose dans la balance et il est retourné sur le banc s'asseoir gentiment. Donc, Delon White pourra faire ce qu'il veut. Colec pourra faire ce qu'il veut. Au retour de Jalen Brunson, c'est normal. De McBride, c'est normal. Mais je pense que c'est des mecs qui peuvent être mis à la concurrence d'un campaign. Et quand on voit qu'un campaign, quand tu vois que ce type-là ne va pas être bon sur un soir ou qu'il commence à faire des conneries, tu peux être en capacité de dire, bon, ben là ce soir, il a fait ses 5 minutes qui ne m'ont pas plu. Delon White Je tente 5 minutes d'un autre, ou des fois Golek que ça sonne bien. vont prendre sa place. Voilà. Mais ça n'arrivera pas. On le sait. Tu le sais. Tout le monde le sait. Donc voilà. Après, sur Chamet, on a un joueur qui a un profil un peu plus de shooter, Dylan White, c'est pas vraiment Ouais, enfin le shooter qui de a shooter, apporté. rappelle-toi la semaine dernière, quand on en a parlé de lui, C'était compliqué, ouais, c'était compliqué. il était sorti de 5-6 matchs, il n'en rentrait pas, hein, le bonhomme. Hein. Non, bah après c'est l'adresse en NBA, c'est pas régulier. Ah ouais, Enfin, non, en NBA, même au basket, en on sachant que cherche. déjà, bon, défensivement, c'est pas le top. Alors si ton shooter, il rentre pas de shoot, il peut Bah, il aller, reste sur le banc. il a le droit d'aller s'asseoir sur le banc pour tenter quelque chose d'autre, Ouais. quelqu'un d'autre, quoi. Bah, ça dépend de ce dont tu as besoin. Ce que l'on aura besoin, est-ce que ça sera de Kevin McCullough? Bon, peu probable. Mais en tout cas, cette semaine, oui, il a fait ses J'ai grands bien aimé, débuts. j'ai bien aimé. Bon, c'était court, mais enfin voilà, c'était au moins symbolique. Ça y est, il a marqué, enfin, marqué ses premiers points. Il a eu le droit d'avoir le ballon du match. Merci Josh Hart, c'est trop sympa. Et donc, ça y est, on a pu enfin voir qui était ce rookie. Est-ce qu'on le reverra cette saison? Peu Non. probable. Du garbage time, peut-être par Oui. moment, s'il y a besoin. Est-ce qu'on le reverra en X? Peu probable aussi. Peu Mais. probable, mais en tout cas, il aura son match en X comme PJ Tucker. Ouais, mais tu vois, j'ai aimé. Pour avoir un petit peu observé bah, ces 3 minutes de jeu, j'ai aimé sa mobilité latérale. J'ai aimé la défense qu'il a amenée. Enfin, pareil, hein, c'est un vieux rookie. Hein, il a 24 ans, hein, comme les autres. Mais j'ai. Enfin, tu sens qu'en effet, ce bonhomme, là, tu vois, il a trouvé un rythme. Ça y est, en G-League, boum, ça. Tu vois, il tourne quasiment à 20 points de moyenne. Ça y est, depuis qu'il est revenu de blessure. Ah bah il faut se remettre la machine en marche, surtout qu'il a une absence D'ici. qui a été relativement longue le concernant, donc Moi, je ne suis pas trop au fait l'année dernière des rookies. Visiblement, c'était quelqu'un qui, avant saison, était annoncé visiblement d'aller lottery pick. Après, il est descendu un peu Dégringolé. et puis après, il a eu sa blessure qui l'a fait vraiment dégringoler. Mais c'était quelqu'un qui, en tout cas, était annoncé premier tour pendant longtemps. Donc, ça voulait dire quand même que c'est quand même quelqu'un qui a du talent, Qui a j'imagine. tapé dans l'œil de quelques scouts Et pour être plutôt là, bien les classé. Knicks ont sûrement dit, bah, allez, on le prend. Et puis, On verra quoi. Si en effet il revient bien de sa blessure, ça peut être un pari réussi. Donc, allez, pourquoi pas, ça peut être un pari réussi pour le futur, l'année prochaine. Ça peut être un profil, voilà, d'un free and D à l'ancienne. On t'en demande pas, on te demande pas grand-chose. On te demande qu'en sortie, t'amènes de la défense dure et quelques 3 points dans le corner. Pourquoi pas? J'ai peut-être plus de. Tu vois, j'ai peut-être quelque part. Je m'imagine plus lui dans la rotation l'année prochaine qu'un Tyler Colec. Tu vois, c'est con à dire. Hein, alors que Bah je. après, tout est question de savoir sur quel poste il se positionne, quelle est la concurrence. Et voilà ce dont on a besoin à un moment donné pour faire gagner l'équipe. Donc, affaire à suivre. Mais en tout cas, ça y est, c'est officiel. C'est un Knickerbocker, il a joué. Ouais. Et pour finir, avant de repasser sur la rétrospective des trois matchs, eh ben, en termes de joueurs qui ont joué, Josh Hart, il a joué. Il joue souvent, on le sait. Il a performé. Et il a encore performé en mode triple-double. Ça y est, cette fois-ci, il a passé le record de notre ami Wolf Rosier. Et oui, le petit bonhomme là qui fête ses 80 ans, eh ben il a fait plus de triple-double en une saison que Wolf Rosier. Et il se rapproche doucement mais sûrement du haut du gratin, du haut des records dans ce livre des records all-time qui est le nombre de triple-double sur une saison. Et chose un petit peu exceptionnelle, c'est la première fois d'ailleurs de l'histoire d'Enix, pas de la Ligue, de l'histoire d'Enix, deux joueurs étaient en triple-double sur un match. Il était accompagné de Karl-Anthony Towns. Karl-Anthony Towns, il fait pas énormément de triple-double en carrière. Et en tout cas, il a fait sur sa première saison son premier triple-double avec l'Enix. Donc ça, Et c'était à signifier. plus accompagné d'un joueur à 35 points. Ouais, en plus. Donc l'Enix ont plutôt bien performé en début de semaine. Voilà, ça permettait de bien lancer la semaine. Le record, il est passé pour Josh Hart sur une saison. Donc voilà, c'est une belle saison pour Josh. Il est mis à contribution assez régulièrement, assez souvent et assez longuement, ça on en a déjà parlé. Mais voilà, il apporte et vraiment c'est Monsieur Couteau Suisse N'empêche de cette que franchise. les Cette Nova Boys équipe. commencent à marquer l'histoire des Knicks entre l'année dernière Dante qui a pris le record du nombre de 3 points en une saison, cette année Jalen Josh Hart. Brunson, bon, on n'en parle plus de Jalen Brunson, mais voilà, effectivement, son passage est bien estampillé Nova Boy Cette à New année York. Josh Hart. Josh Hart qui prend le record. Et pourquoi pas, on peut se dire que peut-être Jalen Brunson va taper le record de Melo au nombre de points. Ah, il n'était pas loin avec 61 face aux Spurs chez les Spurs. Il aurait la capacité un jour Donc, de crise d'adresse, ouais, il serait capable. c'est vrai que bah, tu te dis que c'est Nova Boys. Voilà. Donc, Et Mikal, avec ses matchs à rallonge et ses matchs où il joue tout le Mikal, temps, est-ce qu'il va pas avoir à un moment donné un est-ce record que. de minutes jouées avec les Knicks? Est-ce que Mikal. Alors, peut-être, c'est vrai. Sur une Mais saison, peut-être, on regardera ça. est-ce qu'il rentre pas dans l'histoire comme étant un des trades les plus chers? Ah, je sais pas, je sais pas. Ouais, on va pas parler de ça. On va pas parler Envoyer de ces... 5 tours, mine 2, Oui. je me demande. Hein, parce C'est que l'inflation, c'est l'inflation. on n'a pas envoyé. À l'époque, pour Melo, et ça a pas été, ils n'ont pas envoyé autant, je crois pas. Hein. Non, mais il y avait quelques joueurs en plus, Oui, quoi. non, bien sûr. Mais je me demande, tu vois, si pour le coup, là, c'est pas le trade le plus cher, tu vois, en termes En nombre de. de pics? 5, On regardera. c'est beaucoup, C'est hein. beaucoup. J'en vois pas d'autres, moi, après. Côté New York? Non, peut-être pas. Hein. Peut-être pas. On va appeler Isaiah Thomas pour savoir. Bon, allez, on va se pencher rapidement sur les 4 matchs de la semaine dernière. T'avais pronostiqué un 3-1. Bon, bah, t'as gagné. J'étais un peu plus pessimiste, un peu plus réservé avec un 2-2. Et finalement, la semaine est plus positive qu'à l'équilibre. 3 victoires, une défaite. Bah, finalement, c'est le scénario qu'on attendait. On ne savait pas quand Anthony Davis allait jouer. Ils étaient en back-to-back, c'est Dallas Mavericks, et il avait préféré jouer à Brooklyn. C'était plus facile pour une reprise que de jouer face aux Knicks. Et tant mieux, parce que c'est le match où justement Karl Anthony Towns et Josh Hart se sont associés pour faire un triple-double chacun, bien accompagné d'un petit Anunoby à 35 points en 38 minutes. On a un campaign bah, qui était plus discret, hein, 2 points, ok. Et un Mikal Bridges pour un petit peu accompagner tout ça de 21 points. Bon, voilà, un starting 5 qui a fait plus que le boulot, qui a permis de dérouler, qui a permis aussi à Precious Achiuwa de jouer 20 minutes avec 11 points en sortie de banc. On n'avait pas Mitchell Robinson. C'était le premier match de back-to-back de la Ouais. semaine pour les Knicks. Et ils se sont dit, et Tom Thibodeau sûrement s'est dit, bon, voilà, ça doit passer facilement Ouais. normalement contre Dallas. Ça sera peut-être plus compliqué face aux Clippers. On a pu voir qu'effectivement c'était plus compliqué. C'est le fameux match de Kevin McCullough où il nous met 2 points et prend 2 fautes en 3 minutes. Doucement sur les fautes peut-être, petit rookie. Chamet, 11 points en 19 minutes. Tyler Colec, bon, il y a de la passe, 9, mais il n'y a que 2 points et 2 fautes en 19 minutes. Pas comme Dadier qui a pu rejouer un peu. Delon Wright, 4 minutes. Watson, c'est aussi drafté sur cette QV de draft en fait. Ouais, ça appartenait à Boston. Je croyais que c'était un sophomore qui jouait pas chez Non, les Celtics, mais non, non. non. C'est cette saison en fait. Donc Oui. on a cette saison, on a Dadier, Colec, Ariel, Hugporti, McCullough et le Watson. On a pas moins de 5 rookies de cette QV de On draft. a l'avenir. On a l'avenir sur le banc. On a Mais on a que des mecs pris à la fin, quoi, quasi, quoi. Bon, l'avenir. bref. Ouais, parce que je crois que Watson il est pris avec les punis de la classe quoi. Il est pris avec Hugporti et McCullar à la fin quoi. Ouais. Je sais pas pourquoi on était chercher lui, mais bon, voilà. Sûrement un très gros potentiel. Comme il y en a plein. Mais voilà, donc ouais, il a quelques minutes de jeu et il met 2 points. Mais voilà, bon, un match qui s'est très rapidement bien passé pour New York, même si à la mi-temps, score de parité, 68 partout. Non, j'ai envie de te dire, pas très rapidement, non. Oui. Il s'est décidé au troisième carton. Il y a une première mi-temps poussive et enfin poussive, oui, on se prend 68 points, dont 28 de Naji Marshall. On a oublié de le défendre. On l'a défendu en seconde mi-temps, et tant mieux, parce que ça, il a fini la rencontre, je crois, à 35 points. Donc c'est qu'il est rentré dans le rang. Mais voilà, un premier carton, Ouais, et enfin premier puis. carton, première partie de match. Première partie de match portée par Karl Anthony Towns, exactement. Il est à 24 points à la mi-temps. 8 rebonds, 9 passes ou 8 passes, un truc comme ça. Deuxième Il mi-temps, termine à 26 points. il disparaît. Il disparaît, il marque 2 points. Alors qu'il joue, je crois, première mi-temps, il joue 16 minutes. Deuxième mi-temps, il en Termine à joue. 34, donc il Voilà. en joue à peu près autant sur la deuxième. Mais deuxième mi-temps, disparition. Ouais. Le mec, plus là. Donc deuxième mi-temps, ça nous a été. C'est OG Anunoby qui l'a s'est révélé Plus que pris et relais, a ouais. pris le relais. Mais ouais, étonnant quoi, ce double face. Première mi-temps, il était moins présent, et puis après, il a disparu complet. En ce moment, au global, même si là, sur cette rencontre, il nous fait un triple-double, donc voilà, la production statistique, elle est là. Le temps de jeu, il a été réduit parce qu'au final, la rencontre en deuxième mi-temps va dans le sens d'un blowout et voilà, capacité de ménager, comment dire, les effectifs. Et un pré-Schuss, voilà, qui a dépanné. On n'avait pas Mitchell Robinson, donc c'est pas la doublure Mitch qui a gratté du temps à Karl-Anthony Towns. Mais en ce moment, j'ai un peu l'impression d'avoir un Karl-Anthony Towns qui fait ses stats, il fait son match, pépère, mais il pèse pas vraiment dans la rencontre. C'est pas lui qui fait gagner l'équipe. Alors il y contribue, hein. Il a une utilisation, un rôle assez important offensivement. Défensivement, des fois c'est un peu les portes du saloon qui sont grandes ouvertes. Et c'est peut-être un peu ce qui s'est passé sur cette première mi-temps face à Dallas, face aux Texans. Mais voilà, on a un Karl-Anthony Towns qui est présent, mais qui n'est pas le leader, quoi. Qui n'est pas le leader en l'absence de Brunson. La marque est plutôt répartie, et tant mieux. On a des ailiers qui. OG, très régulier, très présent et très, très performant. Mikal, ça alterne, hein, voilà. Mais voilà, Kat, je m'attendais à ce qu'il prenne un petit peu ce relais de patron en l'absence de Jalen Brunson. Bah non, il fait ses stats, il fait ses matchs, ça va, ça gagne, mais sans forcer, quoi. On n'a pas eu de Karl-Anthony Towns game où on se dit, ah ouais, là, c'est lui qui porte l'équipe. Alors après, peut-être que l'adversité sur cette semaine était un petit peu moins propice à avoir justement un joueur qui se retrousse les manches pour faire gagner l'équipe et la mettre sur ses épaules. Mais voilà, sur ce match, tu l'as dit, une très bonne première mi-temps, mais l'équipe qui est un petit peu accrochée parce qu'elle défend pas suffisamment de façon resserrée. Les Mavs qui étaient en back-to-back, donc peut-être qu'aussi ils étaient dans l'énergie du match de la veille et New York n'était pas encore prêt à en découdre. Et ça a pesé, ça a fait l'inverse et le back-to-back les a rattrapés en seconde mi-temps. Et aussi en seconde mi-temps, les Knicks qui ont mieux Ouais, défendu. voilà, j'ai la stat que j'avais relevée. À la 68 points encaissés en première mi-temps, mais le match à la fin qui termine à 113 pour. mi-temps, 4 en 19 minutes, il est en 24-8-7. Et en deuxième mi-temps, en 16 minutes, il est en 2 points, 4 bons, 4 passes. Voilà. Bon après, les autres ont fait le boulot. On Oui, peut pas mais, embêter. Mais mais, quand même, mais. quand même. T'étais parti sur une base d'un gros match. Ah ouais, je me suis dit, il va claquer les 40, ça va être. Ouais, peut-être de la fatigue aussi. Je sais pas. La fatigue, c'est pas toi qui étais en back-to-back. Non, mais au-delà de ça, il était peut-être moins bien en deuxième partie de match et ses coéquipiers tournaient bien. Après, il a distribué le jeu, il a fait de la passe. Donc, bon, bah, tant mieux. C'est qu'il a fait profiter les joueurs ouverts et l'équipe gagne au final. Donc, ne boudons pas notre Ouais, victoire. voilà, bon. Après, les Mavs, on sait aussi que c'est une semaine, une saison compliquée. Ils ont accroché des victoires un petit peu parce qu'il y a quand même un peu de talent restant dans cette équipe. Avec Anthony Davis, on verra ce qu'ils feront. Est-ce qu'ils vont accrocher un play-in, mais ou pas. Est-ce qu'ils ont intérêt ou pas à aller accrocher un play-in. Voilà, mais bon, une première victoire pour relancer la semaine et ce double triple-double avec Josh Hart et Karl-Anthony Towns. Voilà, je sais pas si tu voulais revenir sur un autre point sur ce match ou si Non, on parle du suivant. non, c'était bien de pouvoir faire tourner. Disons Ouais, en plus, ouais. que, en fait, tu partais à une rotation à 8 pour préparer un back-to-back. Ça, je trouvais ça plutôt intelligent de la part de notre coach. Rien de mieux que de réduire les rotations dans une double confrontation en 24 heures. Donc, j'ai salué le geste. Voilà. Bon, au final, il y a 3-4 minutes de garbage time. Voilà, ça permet de souffler un peu. Derrière, le match face aux Clippers, Los Angeles qui avait battu les Knicks bah, chez eux. Les Clippers qui sont un peu chat noir avec les Knicks depuis quelques saisons. On a du mal un peu à jouer cette équipe. Alors, elle a évolué, il n'y a plus de Paul George maintenant. On a eu un James Harden qui nous fait du James Harden Un et qui fait une belle Kawhi! saison. Un Oh, Kawhi wow! Oh qui est en là là! totale maîtrise. Hein, qui est en totale maîtrise. Oh! Alors, avec lui, on ne sait jamais jusqu'à quand ça va durer. Ah Est-ce ouais, qu'il y mais aura une blessure à un là! moment donné qui va encore le couper Il y a dans un sa montée en niveau! puissance? Il y a un niveau! Oh! Ouais. J'ai trouvé. Et bah, des Clippers qui se sont imposés à New York. Hein, voilà, on le sait. Pourtant, ça commençait bien pour New York. Hein, Et 11-2 ouais! d'entrée de match. On s'est dit, bon, voilà, c'est sur ce match que Campaign se fait la cheville. Alors, il termine la première mi-temps, hein, il ne va pas revenir au retour des vestiaires, et c'est là que Dylan Wright va prendre le relais. Dommage, parce qu'il était plutôt bien parti, le Campaign. Sur ce match, il termine la rencontre à 15 points en 18 minutes. Donc, en termes d'efficacité, rapport qualité-prix, on est plutôt bon. Il n'y a pas de passe, il y a deux rebonds, mais des pourcentages de shoot qui sont plutôt bons. Il lançait bien son match. Colec en relais était plus discret au scoring, ça, on l'a dit. Il y avait quand même 7 passes, mais voilà. Face à un James Harden, c'était peut-être un petit peu compliqué comme match-up pour lui. On a qui d'autre? On a Karl-Anthony Towns qui nous fait un 34-14. Ok. On a un OG qui nous fait encore une belle sortie, 28 points. Mikal un peu plus en galère, notamment avec son adresse extérieure, avec 1 sur 5 à 3 points. Mais 17 points et 9 passes. Donc il y a eu de la passe. C'est assez rare, entre guillemets, à signaler pour Mikal Bridges. Alors, c'est pas qu'il fait pas de passe, mais à ce niveau, il était presque en double-double avec 9 passes. C'est lui le meilleur passeur de la rencontre, devant Colec. Oui. Donc voilà, donc une utilisation peut-être un peu différente sur ce match, Il y a mais. le double temps de jeu aussi, hein. Oui, il y a le double de temps de jeu. Mais en tout cas, voilà. C'est pas lui qui est généralement le titulaire qui est le plus présent à la passe. Bon, Josh Hart, c'était plus compliqué sur ce match-là. Hein. On sortait d'un triple-double. On était content. Là, il y a 34 minutes de temps de jeu. Voilà, c'est un temps qui est relativement correct. Mais en termes d'adresse, à 3 points, PG, il faut arrêter de lui dire de shooter des fois. Hein. 0 sur 4 sur ce match-là. Après, les défenses, elles le savent. Vaut mieux laisser Josh Hart ouvert à 3 points. Ah ben on le Un voit, il n'est moins, pas, moins bon rendement. il est pas des masses respectées à 3. Hein. On le voit bien. Hein. Il a ses shoots et bon, ouais, il les prend, ils sont ouverts, mais bon, c'est Ah, pas le meilleur shooter à 3. si les rats, si les rentre, il te le fait payer, mais il est défendu à 3 mètres. À 3 mètres. À chaque fois qu'il est aligné à 3, tu vois tout de suite les défenses. Hop, ça recule. Hein, Ah ouais. il lui laisse champ libre. Bon, là, sur le banc, ça a été compliqué. Hein. Sur le banc, ça a été compliqué. On a Mitchell Robinson qui joue 13 minutes. Bon, dans les stats, 2 rebonds, une passe, une faute. 13 minutes, c'est pas beaucoup. On a un Precious Achiuwa qui en joue 8. Bon, bah voilà, forcément, quand Mitch est là, Precious, il joue plus ou peu. Mais il score 6 points tout de Ouais, même. Mitchell Robinson n'était pas bon. Hein. T'es pas bon. Ah, sur ce match, non, c'était pas. Alors, bon. C'était pas un back-to-back, il a pas joué le match d'avant, mais bon, il était plus ou moins frais, mais il a pas été à son avantage. Ah ouais. Chamet, 6 points. Le Voilà, donc on a. Zubac a fait ce qu'il a voulu dans la raquette. C'était, mais alors, d'une facilité pour Zubac. Voilà. Déjà sur le premier match, hein, quand on avait Ouais. joué à Los Angeles, ça commençait d'entrée de jeu par un Zubac game. Mais, ah ouais, Donc. non, mais. C'est facile pour lui. Hein. La raquette d'Enix, c'est facile, très facile. Donc voilà, défaite d'Enix 113 à 126. Bon, bah il y a l'effet back-to-back aussi, certes, on peut dire ça, mais les Knicks ont pas été au niveau sur ce match-là. On a une équipe des Clippers qui est plutôt bonne en ce moment, qui essaye de s'accrocher pour pouvoir être dans le top 6 et bien finir sa régulière pour pouvoir attaquer les playoffs de la meilleure des façons. Bon, on s'y attendait à cette défaite. Je l'avais Voilà. pronostiqué de ton côté, je l'avais pronostiqué aussi. Pas de Bon, surprise. bah, on n'a pas été surpris, quoi. C'est les Knicks cette année en fait. Tu sais que quand l'adversité va être un peu élevée, ils vont perdre. Voilà. Batum qui a encore mis quelques contres. Ah ouais. Et puis pas n'importe quoi. Hein. Celui qui met sur la truffe de OG et celui qui met Art aussi, hein. Un contre, un chase là, un chasse là, qui va chercher. Il met deux contres là, ben les deux qu'il a mis d'une importance. Waouh! Mais alors, C'est son signature move maintenant de mettre des contres à Batum, quoi. ouais, mais non, mais des Depuis celui fois, face à Slovénie, ouais. mais des fois aussi, tu te dis, on fait preuve de naïveté. Tu y vas, tu sais que tu vas te faire cueillir, mais enfin, je sais pas. Mais sinon, ouais, non, les deux contres de Nico Batum déjà étaient beaux, mais étaient super importants, et c'était un peu relou là-dessus. Non, voilà, on savait qu'on allait perdre, on a perdu, C'est dommage parce que l'entame de match n'est pas si mauvaise. et on n'était Les Knicks pas. qui gagnent même bien. En premier quart-temps de 33-20, donc on se dit ah pourquoi pas. Ouais, Mais voilà quoi. mais alors tu prends 40 pions dans le troisième. Ouais, puis même à la mi-temps, ça recolle déjà à la mi-temps en fait. Oui. Donc on a senti que À la mi-temps, les ça Clippers recolle étaient peut-être et. en rodage, on va dire en début de match, et Tu que gagnes. quand ils ont accéléré, on Tu avait plus gagnes. les ressources, quoi. Tu gagnes un quart-temps sur trois, tu peux pas espérer grand-chose à partir de là. Hein. Il y a des trous d'air de la part des Knicks offensivement, même quand il y a Brunson, il y a des passages de 3-4 minutes parfois où on n'est pas capable de scorer, quoi. On trouve pas. Alors que les shoots extérieurs rentrent pas, ça peut arriver, mais essaye d'alterner, quoi. Et surtout qu'on a des joueurs qui sont en capacité d'aller chercher des paniers proches du cercle aussi. Donc c'est dommage qu'il y ait ces trous d'air. Et surtout contre ce genre d'équipe où ça punit, ça punit. L'adresse extérieure, à un moment, je note ça 3 sur 10 à 3 points pour les Knicks. 8 sur 11 pour les Clippers. Bon, bah voilà quoi. Ah, voilà, et puis donc tu as une équipe qui shoote à 53% à 3 points. À partir du moment où c'est que tu shootes plus de 50% à 3, tu te donnes quand même Compliqué, de belles chances de gagner un match, quoi. ouais. Oui, enfin pour eux et nous pour le perdre, c'était bien mal entamé. Bon, heureusement, il y avait un autre déplacement. Il y avait un déplacement cette Un semaine. dépassement cette semaine. C'était celui à Milwaukee. Et on le sait, Milwaukee, ça va être compliqué cette fin de saison et cette fin d'exercice 2024-25. À voir ce qu'ils feront pendant les playoffs. Ça dégringole un petit peu au classement de la conférence Est. Ah oui, Peut-être qu'on les même. retrouvera. Hein, peut-être qu'on les retrouvera. Il y a surtout Damian Lillard qui devrait arrêter sa saison par rapport à une thrombose. C'est ça, hein, Ouais, c'est ça. bon. Mais. C'est pas au même endroit que notre ami Victor Non, c'est Wembanyama. au C'est au niveau du mollet. pied. Au mollet, je Mollet, ouais. crois. C'est plus souvent sur les membres inférieurs. Alors, ils C'est en disent ça où que. ça avait surpris Alors, ils disent mon qu'ils Victor. pourraient revenir, mais ils annoncent entre 6 et 8 semaines. Alors, c'est ce qu'ils disent, hein, qu'ils pourraient revenir, mais 6 et 8 semaines, ça voudrait dire que potentiellement, ils sont en demi-finale de conférence. Est-ce qu'ils peuvent se passer de Damian Lillard, surtout s'ils jouent les Knicks après derrière? On ne sait pas, hein, mais. C'est quoi? Admettons. Et là, quand tu vois qu'actuellement, ils sont sur une série de 4 défaites consécutives, tu l'as dit, pendant longtemps, ils étaient quatrième, là, ils se retrouvent sixième. Ça semble être une saison qui pourrait mal finir et pourquoi pas des gros changements cet été. À voir si les joueurs ont la patience encore. Le joueur star, le certain Grec qu'on connaît. Mais en tout cas, sur ce match, bon, on l'a dit, on n'avait pas Campaign. On s'attendait à voir Colec titulaire. Et ben non. Mais non. Delon Wright, bah finalement, pourquoi pas? Un choix plutôt payant, un choix plutôt gagnant, dans le sens où d'entrée de jeu, il va se montrer à droit, le Delon Wright. Il va apporter du scoring, là où on a un petit peu reproché cette absence de scoring de la part de Tyler Colec dans notre review de début d'émission. 12 points pour Delon Wright. 4 passes, 3 rebonds, des pourcentages qui sont bons, 30 minutes de temps de jeu. Voilà quoi, il a plus que tenu sa place pour un match en tant que titulaire. Et je pense que ça faisait un bon moment qu'il n'avait pas joué en tant que titulaire. Collègue en backup, 17 minutes. Bon, voilà, il a son temps de jeu aussi. C'est pas déconnant. 5 points, tout de même, il a apporté du scoring. 5 points avec des pourcentages aussi corrects. 5 passes, bah oui, forcément, moins de temps de jeu, bah, moins de capacité à faire des passes. Même si le rapport est plutôt bon. Chamette en sortie de banc. Allez, on parle du banc. 13 points en 20 minutes. Bah, il a été adroit, et puis bon, le match a permis aussi d'avoir des tournures et des phases où il a pu profiter de ce temps de jeu-là. Qui d'autre a performé? Bah, encore nos ailiers, hein. Mikal à 26 points et OG à 31. Même si OG, sur ce match-là, 3 sur 10 à 3 points, il a shooté beaucoup de loin. Hein. Il a shooté beaucoup. Il a pris, hein. Et il a pris 21 tirs. Hein. 21 tirs, c'est. Ouais. Il se fait plaisir en ce moment. Et limite, est-ce que les ticket shoot de GB qui sont vacants, est-ce que c'est pas lui qui en profite en ce moment? On peut se poser la question en tout cas. Il élève son niveau de jeu et il se montre constant et régulier. On est sur des matchs à plus de 20 points. Là encore, un match à 31. Très belle semaine pour OG. Peut-être en reparler un petit peu après. C'est pas sur ce match où il finit la tête en sang, hein, c'est sur le premier. Hein. Tellement le mec est concentré dans son match face à Dallas. Il saigne du nez, de la bouche, peu importe. Lui, il est encore. Non, mais je joue. Non, mais tu peux pas, faut aller te soigner. Là. Donc, OG, en ce moment, il est en mode guerrier. Il monte en puissance. Et c'est plutôt intéressant à l'approche des playoffs. Là, on pouvait aussi se demander quelle confrontation on allait avoir avec un match-up intéressant avec Giannis Antetokounmpo. Bon, bah, Giannis, il a fait du Giannis par moment. Mais il n'a pas été en capacité de porter son équipe. Les Knicks, qui ont joué tranquillement ce match. Hein. C'était. C'était. Moi, j'ai trouvé trop facile, tu vois. Je m'attendais à avoir des Bucks, mais ça fait longtemps que j'ai peut-être pas regardé les Bucks, un petit peu plus saignants, un petit peu plus accrocheurs. Ils étaient chez eux en plus. Ils sont pas dans la meilleure des situations, dans la meilleure des dynamiques en ce moment. Et puis, accessoirement, ça pourrait être une sorte de répétition avant l'heure de confrontation de playoffs. Donc, est-ce qu'ils l'ont joué trop léger côté Bucks en voulant un petit peu brouiller les pistes? Je pense pas. Je pense pas qu'ils aient ce luxe à pouvoir se permettre de choisir leur match. Mais ouais, les Knicks ont maîtrisé leur sujet sur cette rencontre. Pour moi, il y avait voilà quoi, une domination de la part des Knicks sur cette rencontre et un jeu collectif qui a eu raison des Bucks. Kyle Kuzma, c'est la recrue de la deadline côté Milwaukee. Bon, bah, c'est pas le game changer, quoi. Est-ce que ça remplace, est-ce que c'est mieux qu'un Chris Middleton qui était un petit peu boiteux sur sa reprise depuis ses blessures qu'il a accumulées? Pas certain, quoi. Donc, ouais, un match tranquille finalement et une victoire assez bien maîtrisée, 116 à 107 à l'extérieur. Bon, bah, ça permettait de rebondir après la défaite face aux Clippers et de mettre un peu plus bah, ses Bucks dans le rétro, quoi. Bah, j'ai pas trop la même lecture que toi en fait là-dessus, Ah ouais? que ce soit pour le match ou pour le joueur. Déjà pour le joueur, c'est quand même toujours mieux d'avoir un joueur qui joue qu'un joueur qui joue pas. Donc à partir de là, quand tu as un En la Chamet qui personne rentre, de... bah, Ah, Chamette! entre Kuzma et Middleton, bon, Ah oui, non, pardon, oui. c'est Oui, quand bah... même mieux d'avoir un Kuzma qu'un Middleton pour moi, hein, dans le sens où il y en a un qui est blessé, il joue pas, et un il joue. Alors certes, peut-être que son niveau est peut-être bancal, mais en attendant, il est là, il joue, l'autre il joue pas donc. Moi, je préfère. Et je trouvais que justement, la deuxième mi-temps, première mi-temps, ok, on est là, on maîtrise, c'est bien. Deuxième mi-temps, moins serein, notamment dans le troisième, enfin dans le quatrième quart, des fois, il mettait des gros shoots à J. Green à un moment donné. Mais on n'arrivait pas à Oui, mettre. On il a n'arrivait pris pas. son petit coup de feu là. Ouais, et on n'arrivait pas, nous, à mettre des gros shoots, des fois, en fin de possession. Ils arrivaient à mettre un gros shoot, putain, un 3 points qui sortait de nulle part, alors qu'on arrivait bien à défendre. Et là, heureusement que dans les 3 dernières minutes, un truc comme ça, Mikal nous met un 3 points qui scelle un peu le match. Mais dans le quatrième quart, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Et Mikal, à Il n'y a la pas fin. un blowout, il y a une dizaine de points, un écart 8 points. qui... Ouais, Il y a un moment, ça 9 revient points, 9 à points. 11... Mais ouais. Non, 81-73, quand on attaque le quatrième quart-temps. Et une adresse à l'extérieur où on était pas bon, on a eu un 0 sur 9 à un moment. Effectivement, il y a eu un passage, comme je le disais en début d'émission, il y a des passages à vide assez réguliers. Donc c'est là où les Bucks recollent un peu, se redonnent de l'espoir, avant effectivement un petit coup d'accélérateur d'Enix qui permet de refaire un break. Mais voilà, je les ai pas sentis inquiétés côté New-Yorkais en fait. Il y a eu un trou d'air comme il y a souvent des trous d'air. Et au talent offensif, ça a permis d'un moment donné de rebasculer. Oui, il y a eu Gary Trent aussi qui a remis un Ouais, des 3 fois, par-ci, il y a eu par-là. des... Le rookie là, oui, c'est AJ Green là, le petit là Ouais, qui lui... pense, à faire de belles choses dans sa carrière, et tant mieux pour lui. Mais il a eu son petit passage, Donc mais pour ouais, autant. je sais que dans ce quatrième, à un moment donné, je me suis dit, putain, mais ils mettent des shoots, c'est pas bon signe, ça. Quand tu t'en viens en fin de possession, tu défends bien, le mec, il prend un alléluia, et puis il le met, et nous, des fois, on galère à les mettre, je me suis dit... Et puis heureusement ça a tenu. Ouais. Heureusement ça a tenu. Voilà, T'as été j'ai. inquiet sur ce match? Moi, j'ai pas, j'ai franchement, j'ai pas eu ce sentiment de me dire, oh, on va se faire rattraper sur la fin. Le début du quatrième quart où ça recolle à 8, ouais, et surtout qu'on rentrait plus de shoot. Mais heureusement, ça a été passager. C'est vrai que s'ils avaient égalisé, avaient permis de revenir au score, là, on aurait peut-être été dans une situation où ça aurait commencé à paniquer un petit peu côté Knicks. Mais ça n'a pas duré, donc bon. Brook Bah, Lopez, disons que moins. cette équipe des Knicks cette année ne transpire pas non plus. Tu vois, On n'est pas une équipe là. qui domine en fait. On va pas Ouais. tuer les matchs assez tôt. On va se mettre des fois en danger et on l'a vu contre tout un tas d'équipes. Mais sur ce match-là, moi j'ai pas eu le sentiment que ça allait basculer. Parce que aussi les Bucks, transpire pas non plus la grosse sérénité, Ouais. ni la capacité. Giannis a fait son match, mais sans avoir la capacité à pouvoir porter face aux Knicks. Ils ont fait ce trade pour Middleton, voilà, pour avoir un mec qui Oui. joue. Il fallait tourner une page avec un Middleton où il revenait plus, voilà, On sait ou bien bien quand même même. que c'est une équipe en fin de cycle. Tu as un Brook Lopez qui a été très bon, mais enfin qui a été très bon par le passé, mais cette année beaucoup plus compliquée. Tu as un Torian Prince, c'est vieux. Lillard, c'est vieux. Ils ont pas Portis en ce moment qui a porté en sortie de Ouais, banc, mais ça fout que son énergie, son. Portis début de saison compliqué quand même. Il a été décrié par la fanbase des Bucks. Bah, on sent des bugs en fin de cycle, en fait. Alors, complètement. C'est. Et Giannis a quoi, 31, 32 ans aussi, hein? Attention, c'est. Ouais. Bah, parce que en fait, on s'est habitué à voir des sportifs performer pendant tant et tant d'années. Tu vois, on LeBron, a. c'est une exception, quoi. Ouais, Tous ne feront pas des carrières à 40 on a ans en vu des étant. LeBron, on a vu des Ouais. Tom Brady, on a vu des Cristiano Ronaldo, des Léo Messi, on a vu des mecs comme ça, mais c'est des exceptions d'athlètes qui, encore à des âges avancés, performent de façon admirable. Mais la moyenne, c'est pas ça. À un moment donné, ton corps décline. Surtout avec des joueurs qui jouent beaucoup sur leur qualité physique. On sait que Giannis, c'est pas le meilleur des shooters, que voilà, Même il fait des si. efforts au lancer franc, il prend quelques trois, mais il va pas jouer sa fin de carrière Même sur son s'il a, adresse. il commence à avoir un petit feuille de roue, je trouve qu'il, voilà, ça, Ouais, il rentre, il le il peut rentre. travailler, il peut essayer de progresser, mais en tout cas, il joue encore beaucoup sur ses qualités physiques qui lui permettent d'être un joueur dominant. Mais est-ce que c'est suffisant maintenant pour porter une équipe telle que ces Bucks? Voilà, ouais. Donc, si tu veux, cette équipe des Bucks, ouais, c'est quand même bien vieillissant et si on C'est pour devait ça, lire. moi, cette tournure de match où les Knicks ont pris assez vite les devants m'a fait dire, oh, les Bucks, ils n'ont pas ce qu'il faut dans le réservoir maintenant pour pouvoir renverser la tendance. C'est plus les Bucks dominants qu'on a pu voir. Non, non, non. Leur place de sixième de la conférence Est en est également un Ah, signe. tu vois, Est-ce regarde. que Doc Rivers, c'est le bon coach? Bon, Et ça, c'est encore une autre histoire. Brook Lopez à 36 ans, Damian Lillard à 34 ans. Derrière, tu as Pat Connaughton qui a 32 ans, Giannis qui en a 30. 30 encore, ça va, il est dans la fleur de l'âge. Ça a Torian Prince à 30 ans, mais j'ai l'impression qu'il en fait plus, quoi. Kuzma Portis en a 29, mais ça c'est ta rotation, quoi. Mais sinon, ton noyau dur, c'est Damian Lillard 34 ans avec Giannis 30 ans. Je trouve qu'il y en a un des deux qui est un poil trop vieux. Donc, Ouais, et puis ce que je disais, c'est que Kuzma, bon, c'est un bon joueur de rotation, de banc. Est-ce que c'est un lieutenant? Est-ce que c'est le lieutenant qu'il fallait? Est-ce que ça va non. permettre de faire passer un cap, de remettre un petit peu Milwaukee en avant? C'est une quatrième option, quoi. C'est pas un joueur qui est mauvais en tant que tel, Ah clairement non. pas. Le contrat, on n'en parle pas, c'est pas une histoire de contrat, Non. d'un point de vue fashion victime non plus. C'est pas de ça dont je parle, mais voilà, il a peut-être aussi un peu perdu de la compétitivité, de l'envie, tout ça, en étant un petit peu dans un marasme qui était les Wizards. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui les Bucks, c'est contender? Avec Kuzma, est-ce que ça l'est plus? Je pas envie de répondre par l'affirmatif avec ce genre d'arrivée, quoi. J'ai envie de te dire avec Lillard, parce que c'est contender. Voilà, mais là, en ce moment, Lillard n'est pas là et Mais que. ouais, mais même quand il est là, regarde, ça décollait pas au classement, donc. Première saison compliquée pour eux avec Lillard, et enfin, pas à la hauteur des espérances, en tout cas, de la hype. Et là, ça n'a pas l'air d'être parti pour confirmer ses attentes. Bon, bref, ça, c'est le problème des Bucks. Et en tout cas, les Knicks ont sweepé les Bucks cette saison? Eh bien oui. C'est un deuxième sweep. Il y avait le sweep face au Miami Heat, une équipe aussi qui n'est pas très très en forme. Voilà, on s'est Il méfié de fallait la les bête prendre, blessée, mais finalement. ces matchs et ils ont été pris. Et sait-on jamais, si on les retrouve en playoff, eh ben, ce petit avantage psychologique, c'est toujours mieux de l'avoir que de jouer contre lui. Après, on se méfiera, quoi. Janice a dit en playoff, tous les compteurs sont à zéro. Ce qui s'est Bien sûr. passé pendant la régulière, c'est plus pareil. Donc, Mais voilà, en tout cas, c'est mieux d'avoir su déjouer les plans de cette équipe. Et ça a été le cas encore sur cette rencontre. Et si on devait les rencontrer, tu aurais exactement les mêmes mecs. Hein. Donc, il n'y aura pas. Ouais, je pense pas qu'ils trouveront de. Non. À part si Lillard revient. Bon, bref. Et dernier match, dans cette nuit, de dimanche à lundi. Voilà, heureusement qu'il y avait les histoires de changement d'heure, mais on est peut-être un peu fatigué quand même en ce lundi. Là, c'était le retour à la maison, fameux anniversaire. Match à minuit, ouais, tout à fait. Face à Portland. Réception des Portland Trail Blazers qui étaient privés de Scoot Anderson. Il avait été plutôt bon sur la première confrontation face aux Knicks. On s'est rappelé tout de suite le buzzer beater de Mikal en prolongation. Les images ont recirculé avant d'avoir cette rencontre. Et ben il en remet là, il en remet un, mais un peu trop tôt. Il s'est spoilé. C'était à la fin du premier quart. Ouais, c'était à la fin du premier quart. Ouais. Qui permet de faire la bascule juste devant au score. Bah, les Portland Trail Blazers. Autant, j'étais pas inquiet face aux Bucks parce que la dynamique de l'équipe et de ce que j'avais vu sur le match me semblait pas mettre les Knicks en péril. Et ben là, les Blazers, j'étais pas forcément très serein parce que c'est une équipe qui joue vite, qui joue athlétiquement, qui a des joueurs qui sont peut-être pas du statut de All-Star, mais qui sont plutôt bons dans le basket qu'ils proposent en ce moment et qui finalement n'ont rien à perdre. Donc ils jouent un peu libérés et ils ont donné des difficultés aux Knicks d'entrée de jeu. Le match n'a pas été à l'avantage de New York tout de suite. Il a fallu ce buzzer beater, en tout cas ce tir au buzzer à la fin du premier quart de la part de Mikal, qui est quasiment au logo, hein, qui le prend de très très loin. Décidément, il aime crucifier les Blazers avec des shoots extérieurs pour basculer en tête. Mais autrement, c'est bien les Blazers qui étaient devant au score pendant une bonne partie de la rencontre. Il a fallu une seconde mi-temps où New York a pu creuser un petit écart et finalement un écart qui aura été définitif. Mais voilà, c'est une équipe qui est compliquée à jouer parce que ça joue vite. Ça peut être physique aussi, il y a des coups qui sont pris, hein, que ce soit à l'intérieur ou sur les lignes extérieures. C'est des joueurs formés, on va dire, par Chauncey Billups. Avdija, très, très très beau joueur, très bon joueur, hein, ce Denis Avdija. Bah, il est sorti de son marasme de Washington, hein, ouais. Où était également Kyle Kuzma, et il est en train de se révéler à Portland. Peut-être que c'est pas un gros marché non plus, hein, Portland, Washington non plus, mais voilà, peut-être qu'il est en train de trouver sa place dans un effectif plus jeune, plus équilibré, avec pas mal d'ailiers aussi. En tout cas, c'était un match plaisant à regarder, même si les Knicks, on pouvait s'inquiéter de savoir si ils n'allaient pas passer à côté, ils n'allaient pas se faire piéger. Ça aurait fait un petit peu tâche pour cette soirée anniversaire. Ils ont un 5 qui est quand même assez séduisant sur le parquet, pour le coup assez jeune, hein, avec un Klingan qui est le rookie de cette équipe, donc un espèce de grand pivot très costaud, très défensif. À côté de ça, alors, ils ont un Denis Avdija et un Shaden Sharp, voilà, qui sont des joueurs sérieux et offensivement. Et puis sur les lignes arrière, avec un Toumani Camara qui est le digne héritier de Josh Hart chez les Blazers, et qui fait tout et plus tout. grand, il me paraît plus grand et plus long. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il fait, c'est la révélation cette année, hein, de leur côté, hein. le joueur belge très très bon des deux côtés du terrain. Rookie, il est rookie. Il est rookie, je crois pas. Il me semble qu'il soit dans sa. Non, il est où? Sophomore alors? Moi je verrais plus Sophomore, attends, je vais te dire ça. Mais pour moi, Toumani Camara, ouais, il a déjà une saison NBA dans les pattes, personnellement, je croyais. Ouais, il a déjà une saison l'année dernière. L'année dernière. Il a été drafté par les Phoenix Suns au deuxième tour. Au 52e choix. Il va faire partie du trade pour DeAndre Ayton, peut-être. Ouais. Justement, c'était Alex de Trash Talk qui râlait justement assez fort sur le profil de ce joueur qui leur manque tant, hein, au niveau des Suns. Bah, ils l'avaient, mais ils l'ont plus. Mais en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, ce 5, en sachant que, justement, ils ont DeAndre Ayton qui est absent, ils ont Jeremy Grant qui est absent. Ils ont un Williams également. Ouais, ils ont Scoot Anderson qui est absent, qui est leur meneur normalement titulaire. Donc, tu vois, donc ils ont encore du Tybull en sortie, du Jabari Walker, ouais. du Chris Murray. Donc, ils ont quand même de quoi faire au niveau de leur équipe. Là, bon, actuellement, Ils vont rester, je pense pas que ça va accrocher le play-in. C'est un peu comme Toronto, c'est-à-dire que c'est le réveil est peut-être un peu trop tardif. Ils sont avec un 32-43 au bilan, donc c'est un peu loin. Ils vont avoir un choix de draft, donc ils vont pouvoir encore rajouter du talent là-dessus. À voir cet été comment ils vont faire, est-ce qu'il va falloir qu'ils fassent des choix? Est-ce qu'ils vont conserver tous ces bonhommes? Ou est-ce qu'à un moment donné, ils vont peut-être aller chercher une star? Ou ben, pour l'instant, en tout cas, peut-être qu'ils sont encore dans le développement de ce groupe-là. Mais ouais, les Blazers, je pense que ça va être l'équipe, peut-être l'année prochaine, tu vois, les Detroit Pistons de l'Ouest. C'est-à-dire cette équipe-là qui va surprendre tout le monde et qui va te faire une très belle saison parce qu'elle aura du vécu. Elle est sur une belle dynamique en cette fin de saison, à voir s'ils arrivent à prolonger cette dynamique-là en Mais il début de fallait les saison prochaine, gagner mais et c'était ouais. pas évident. Pas Tu facile, non. les as gagnés là-bas, tu les as gagnés ici parce que ben pareil encore une fois, la décision s'est faite dans le dernier quart-temps et on a su mettre le coup de boost qu'il a fallu mettre pour entériner le match. Pas évident ce match à aborder et ben il a été gagné donc ben écoute voilà un autre match sérieux, match très sérieux des Knicks et notamment défensivement. Encore une Ouais. fois là ces derniers temps on arrive à maintenir des équipes sous la barre des 100 points. Voilà donc les maintenir sous voilà à 93. 110 à 93, c'est une belle performance, sachant que à la mi-temps, on est mené de 8 points. Ils sont à 58, on est à 50. Donc effectivement, ils ont moins scoré en seconde mi-temps qu'en première. Ils en Donc il y a marquent aussi 15, une. ils en marquent 15 dans le dernier quart-temps, quoi, hein, c'est pas beaucoup. Ouais. Et bah, c'est là aussi où on voit peut-être ce côté jeune de cette équipe Oui. et l'expérience des Knicks et le talent défensif de Mikal, de OG, de Josh Hart qui a payé, Delon Wright aussi. Il faut signaler sa bonne participation sur cette rencontre. Bon voilà, les Knicks ils s'en sortent bien, mais voilà, ça a été plus accroché, plus compliqué que face aux Bucks typiquement et ça permet de terminer la semaine avec un 3-1. C'est toujours bon de prendre des victoires comme ça qui rassurent à domicile. Ça évite de gâcher la fête avec une défaite voilà, face aux Blazers. Parce que sur le papier, c'est une équipe qui est derrière les Knicks. Dans les faits, c'est bien de pouvoir le confirmer. Voilà, et donc encore une fois, bah, on a une belle prestation de notre paire d'ailiers, que sont Mikal et OG. Pour pas faire de jaloux, les deux ont scoré 28 points. Donc comme ça, c'est le même scoring. Pas tout à fait au même niveau de pourcentage. On est à 11 sur 16 pour OG, qui a passé plus de temps à monter au dunk. Et ça, en ce moment, il se fait plaisir. Mikal, plutôt à 12 sur 22. Et en termes de shoot à 3 points, 2 sur 6 pour l'un, 2 sur 5 pour l'autre. Karl-Anthony Towns, par contre. Voilà, là, autant il y a des fois, il fait une bonne mi-temps et puis la deuxième, c'est un fantôme. Bah, sur ce match-là, voilà, c'est le service minimum, 10 points. Pas ouf. Un gros contre important à un moment donné. Ouais, d'accord. Mais on a Mais tant plus au scoring de sa part. C'est ok, Donovan Klingan, c'est un bon petit rookie. Si t'arrives pas à te dépêtrer de ce rookie-là, ça va être compliqué en playoff, quoi. Donc voilà, un petit coup de mou peut-être. On va pas tirer sur une ambulance. Mais voilà, 10 points, 12, 11 rebonds, il fait son double-double. Les pourcentages sont pas ouf. Le nombre de shoots est pas non plus exceptionnel pour un joueur de ce calibre. Josh Hart, pas très loin du triple-double, mais c'est pas un triple-double. 14 points, 8 rebonds, 9 passes. Meilleur passeur des Knicks sur ce match. Je disais que Mikal passait pas trop. Bon, il en a 7 sur cette rencontre. Et puis Delon Wright, ça rentre un peu plus dans le rang après son match à 15 points. Là, il n'y a que 7 points sur ce match. Mais voilà, une ligne de stats bien fournie autrement. Et sur le banc, Precious, pas beaucoup de temps de jeu. Parce que Mitchell Robinson était là. Mais le peu de temps de jeu qu'il a eu, il l'a vite mis à contribution. En tout cas, en termes de scoring. Il nous claque un gros dunk dans ce jeu. Il finit avec un petit finger roll. En transition derrière, 10 points en 11 minutes. Voilà, ça c'est du très bon Precious, très efficace Ça, c'est du sur un bon temps peu de jeu de assez faible. Ouais, ça c'est du bon Precious. Mitch, discret quoi. Hein. 2 points, 4 rebonds. Pas du Ouais, gros Mitch, Mitch. Hein. ouais, deux matchs consécutifs, pourtant, comme tu dis, hein, c'est pas. Mais ouais, pas terrible, les pivots, pas terrible. Les pivots, pas Et terrible. puis, même si on n'attend pas du scoring à outrance de la part de Mitchell Robinson, mais là, sur ce match, la dissuasion, le sens du rebond, pas exceptionnel, quoi. Pas exceptionnel. Alors, le temps de jeu est pas énorme, hein, 14 minutes, c'est sûr. Mais voilà, il n'y a pas, Au sur ces moment donné, passages. à un moment donné, on Un avait petit peu la paire. notre triplette au fin, notre triplette d'intérieur, c'était 4 Achua OG. Là, c'était le futur, ça. Ou pas. On tente des trucs des fois, mais bon, c'est pas grave. Mais tu vois, Allez, je. et Chamet en sortie de banc, 11 points. Là, c'était un bon Chamet Ouais, sur ce match-là. Chamette a fait une belle semaine. Chamette a fait une belle semaine. Il s'est bien rattrapé De de la sa semaine. semaine avant dégueulasse. Ouais, de sa semaine avant dégueulasse. Voilà, quoi. Il nous fait 11, 6, 13 et à nouveau 11 points. Donc voilà, donc c'est sûr que quand t'as un joueur de banc qui sort et qui nous met une dizaine de points, c'est tout de suite sympa. C'est tout de suite sympa. Donc voilà, quand t'as ton banc qui t'amène entre les 4 joueurs, il t'amène 12 points, c'est pas terrible. Quand là déjà, t'as ton banc qui t'amène On a 21, 21, 23 23 avec points, Nurkic, quoi. voilà, bon, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Bon, et puis Tyler Colley qui joue un petit Il peu, a joué 14 moins là. minutes, Hein. Ouais, ça, mais il a joué ça moins. a moins passé, c'était moins... Après, on a des profils d'ailiers assez longs côté Blazers, donc ça l'a peut-être un peu plus mis en difficulté. Bon, voilà, c'était pour la longue rétrospective de la semaine. On termine les rétrospectives comme il le faut, comme il se doit, avec un joueur de la semaine. Et on va pas ménager le suspense. On en a parlé, on a dit qu'il a été régulier, qu'il était plutôt bon. Il joue même avec le nez en sang. C'est qui? C'est OG. Voilà, OG Anunoby, en ce moment, bah, il est régulier et on espère que ça va durer. On espère que c'est pas la belle embellie et puis après qu'il retombe avec un petit Eh problème ben, de blessure. Hein. On n'espère pas, on n'espère pas. On ne veut pas, touche on du veut pas ça. bois. On espère qu'il est en train de monter en puissance Ben, pour les playoffs. eh ben plutôt parce que j'ai envie de te dire que OG Anunoby, pour l'instant, sa saison, c'est 17 points de moyenne, c'est 4,7 rebonds, 2,1 passes. Et il shoot à 36%, quasiment 37% à 3 points. Là, sur ce mois de De mars, mars. parce que là, donc, il vient de se finir avec le match de cette nuit, donc là, on va passer en avril. Sur ce mois de mars, donc, on passe de 17,5 points à 22,7. On passe, donc, au niveau des rebonds, on est pareil à 5. Au niveau des passes, on est un tout petit peu mieux avec 2,6. On est. Interception, par contre. Et au niveau des interceptions, on est quasiment à 2 par match. On est quasiment à 2 par match. Ou en saison régulière, au niveau des interceptions, style, il est là, on est à 1,5. Donc voilà, donc il en fait un peu Qui a rien. plus. Mais surtout, il est quasiment à 40% à 3 points, quoi. Il est à 39. Il est quasiment à 40% à 3 points. Donc là, sur ce mois de mars, il a. Tout monter de level. Là où tu as un Mikal Bridges qui restait pareil, un peu mieux au niveau des points, un Josh Hart un peu plus couteau suisse, lui sur sa moyenne de saison a un peu baissé, mais par contre derrière, voilà, sur le mois de mars, il tourne à presque 11 points, 9,7 rebonds et 6 passes. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Et un Karl Anthony Towns à son habitude, à 24 points, 10 rebonds, 3 passes. Et ben celui qui a su élever son niveau de jeu sur tout le mois de mars, et notamment ben, à la blessure de Jalen Brunson, et ben C'est OG. c'est Karl Anthony, c'est OG Anunoby. C'est OG Anunoby qui a su. Tu vois, c'était peut-être pas lui qu'on attendait le plus Non. qui allait soulever ce niveau. Je m'attendais peut-être à un peu plus de Mikal. Et ben non, en fait, c'est lui. Il a maintenant aussi pareil, quand il rentre dans la raquette, il arrive avec ce fadeaway, ce tir à 3 points, soit arrêté, soit même défendu avec le mec sur le paletot, il arrive quand même à le rentrer. Les backdoors, les cuts, enfin, J'ai l'impression qu'il perd moins de ballons aussi. il fait tout. Donc en ce moment, il fait tout et plutôt bien. Et il le fait de façon régulière. C'est surtout ça. Parce que des cartons, il en a fait un peu plus tôt dans la saison. Mais c'était souvent un carton. Et puis après, ça rentre dans le rang. Là en ce moment, il y a la régularité. Non, il est plutôt en très en grande forme, notre ami OG, Non, au Ogugua. Et on espère que ça va durer. Parce qu'avec un OG dans cette forme-là pour attaquer les playoffs, eh ben, ça pourrait être compliqué pour les défenses adverses. On verra quelles seront ces défenses adverses que les Knicks vont rencontrer. Mais en tout cas, voilà, c'est l'homme en forme, l'homme chaud du moment, du mois de mars. C'est peut-être l'homme du mois de mars. Ce serait bien Tu qu'il vois, soit l'homme du mois d'avril aussi. tu vois, avant le mois, donc toutes les stats avant le mois de mars, donc tu vois, donc jusqu'au 1er mars, hein, en moyenne, il tournait donc sur les 53 premiers matchs à 16 points. Là, il est à 22, presque 23. Il était à 4,6 rebonds. Là, il est à 5 et quelques. Il était à 1,4 passes volées, enfin ballon volé. Là, il est à plus de 2,5. Pareil au niveau des passes, il est plus élevé. Au niveau du pourcentage à 3 points, il était à 36%. Là, il est à 39. Donc, ce mois de mars, il a tout explosé. Il a tout explosé. Donc c'est logiquement qu'on peut lui Donc, désigner est-ce que c'est comme lui Nick la of the 3... Week. Donc, est-ce que c'est lui la troisième option? Eh ben on verra quand la première va revenir. Et est-ce qu'elle va revenir cette semaine? Peut-être, peut-être pas. Hey, allez, nous on en finit avec la rétro et on regarde ce qui se présente sur le programme de la semaine. Et est-ce qu'il y a le retour de l'option numéro 1? Allez, c'est parti. Deuxième partie de l'émission. Eh ben oui, parce qu'il y a une première partie où on parle du passé et il y a une deuxième partie où on parle du présent, de l'avenir. Voilà. Si vous voulez des conseils en voyance, on peut peut-être essayer. On peut peut-être essayer. Des pronostics. Ah ouais, des pronostics sportifs. Ouais. Qui sera champion NBA cette saison? La réponse à la fin de l'émission. mais avant ça, il y aura des playoffs. Eh ben oui, vous savez, des playoffs et aussi du play-in. Même si les Knicks, depuis la création du play-in, ils n'ont jamais eu l'occasion d'y participer à ce Pas play-in. pour Et nous, tant ça. mieux. Pas Tant mieux pour d'une nous, certaine pas pour façon. nous. Non, laisse ça aux petites équipes, là. Les gros bourgeois de Knickerbocker fans, genre, ben non, nous, le play-in, on n'était pas pour, on ne joue pas. Ouais, Nous, on fait les play-offs, qualification soit on directe, fait les avantage du playoffs, terrain. soit on les fait pas, c'est simple, voilà. C'est ça. Mais mine de rien, depuis que les Knicks ont repris le chemin des playoffs, n'ont jamais fait le play-in, ça a toujours été avantage du terrain. Donc, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Alors, en tout cas, voilà, les brackets, il y a projection à quelques semaines de la fin de cette saison régulière. Il reste 2 semaines, voilà, on arrive dans les dernières lignes droites. Et il y a un petit peu de mouvement à l'est. Alors le mouvement, il ne se passe pas pour les Knicks, il se passe plutôt pour les concurrents des Knicks. Et là où on pensait pendant un moment voir une série qui se projetait sur Knicks versus Pistons, eh bien là, il y a eu un peu de changement la semaine dernière avec la méforme des Milwaukee Bucks qui glisse en 6e place et qui pourrait, du coup, si le calendrier et si le classement s'arrêtait là, devenir une affiche de premier tour. Knicks Bucks, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de série dans l'histoire des Knicks face aux Bucks. Alors peut-être époque Kareem Abdul-Jabbar. Et est-ce qu'à l'époque les Bucks n'étaient pas dans la conférence Ouest? Il y avait moins d'équipes. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, j'ai pas beaucoup de souvenirs dans l'histoire des Knicks et j'ai pas vu toutes les séries. Mais en ayant étudié un petit peu l'histoire de cette belle franchise qui est la franchise des Knicks, voilà, il y a eu confrontation avec Abdul-Jabbar. C'était dans les années 70. Ouais, ce que je suis en train de regarder. Dans les années Mais non. 70, en avril, là. En avril, là, ouais. Et les Knicks avaient gagné la série 4 à 1. C'était les finales de la division. Une finale. Alors, vous remarquez, finale Finale de conf. Est division. Alors, je pense que c'est conférence, ouais. Ouais. Voilà. Et je sais pas si à un moment donné les Bucks sont pas En basculés dans la conférence Ouest. 70, donc de toute façon, après, tu as été champion, donc quelque part, c'est un peu logique. Ouais. Bon, bref, on verra. Il peut se passer encore des choses d'ici cette fin de saison régulière. En tout cas, voilà, les Knicks ont sweepé les Bucks en régulière. Est-ce qu'ils auront l'occasion de faire de même? Premier tour des Ah, playoffs? Ah bon. il y a eu un jeu de chaises musicales là à l'Est. Hein. Les Sur la dernière semaine, ouais, au niveau du classement. pour les places 4, 5, 6, ouais, il y a eu ça a pas mal évolué. Bon, là maintenant, quand même, on est au même nombre de matchs. Hein. Donc, on est à 74 matchs avec Indiana. On a 4 Match matchs d'avance. d'avance. Ça devrait passer, quoi. Ouais, à Il 9. faudrait que Ingania Ah. gagne beaucoup. Ouais, je pense que quand même. Même si le calendrier de cette semaine, il n'est pas. Ouais, mais Hein? tu as quand même des équipes qui vont commencer aussi un peu à lever le pied, à préparer les playoffs. Oui, le calendrier de cette semaine, c'est sûr. Et puis celui de la semaine d'après, pareil, ils sont costauds. Les deux prochaines semaines, les deux prochaines semaines, tu mettais ça en janvier, je t'aurais dit, ouais, c'est hyper costaud. Là, à 2 semaines des playoffs, avec maintenant, avec notamment des hiérarchies qui se sont bien dessinées, je pense que. Normalement, on peut Ouais. essayer d'aborder ça sereinement et de se dire que cette troisième place, elle devrait être verrouillée, Et puis, ce qui serait pas mal. on avait fait le calendrier d'Indiana, l'émission dernière. Ouais, bah, il était pas cadeau pour eux aussi, hein. Donc, les matchs qu'ils devaient prendre, ils les ont pris. Les matchs qu'ils devaient perdre, ils les ont perdus, hein. Los Angeles, bah, ils l'ont perdu. Ils ont gagné Washington, ils ont perdu contre Oklahoma, hein. Donc, après, cette semaine aussi est pas mal pour eux. On va dire qu'elle est plutôt simple. Elle commence par Sacramento. Ils jouent qu'un match à l'extérieur, c'est à Denver. Ils n'ont aucun back-to-back. Ils jouent Sacramento à la maison, Charlotte à la maison et Utah à la maison. Donc là, par contre, je pense que là pour eux, c'est trois victoires certaines. Voilà, il va pas falloir se rater. Il va pas falloir se rater parce que je pense que eux, par contre, ils sont clairement en chasse. Après, derrière, pour Détroit, Milwaukee, maintenant c'est trop loin. Oh, je ne vois pas descendre au-delà de la. Par De toute façon, les il est grands certain que malheurs. ça ne peut pas descendre en dessous de la sixième. Le Non. playoff est clinch. Mais voilà, il faudrait vraiment avoir un fâcheux concours de circonstances pour Ouais. glisser maintenant de cette troisième Ouais, non. place. Et puis en plus, on va avoir JB qui va revenir aussi. Voilà, ça peut aider à essayer de collecter quelques victoires de plus. Est-ce que les Knicks se feront plus que 50 wins cette saison? Eh bien, il y a moyen. Il y a moyen. Mais pour ça, il va falloir bien jouer et commencer à bien jouer cette semaine. Cette semaine, encore une fois, 4 matchs de Ouais. saison régulière, 2 à domicile, 2 à l'extérieur. 2 contre des équipes. Non, il n'y a qu'une équipe de l'Ouest dans cette semaine. Ouais. 3 donc équipes de la conférence Est. Et pas des moindres, des équipes qui ont eu des saisons particulières pour certaines. On va commencer par les Philadelphia Sixers. Bon, là, ça sera une réception à domicile. Tu vas nous dire un petit peu qui il reste en tenue En vie. capable de jouer avec les Sixers. Ça va peut-être être plus rapide à faire que de voir l'infirmerie. Ensuite, donc ce match aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi, 1er avril. Pas de blague, pas de mauvaise blague. En tout cas, les Knicks, il y a moyen de gagner contre les Sixers, normalement, vu les dynamiques des uns et des autres. Contre les Cleveland Cavaliers, ça sera un déplacement dans la nuit de mercredi à jeudi. Les Cavs qui ont perdu quelques matchs ces derniers temps, il y a peut-être un relâchement légitime, à voir si ça, voilà, ce que ça donne. Jusqu'à présent, on sait que ces matchs tests n'ont pas souri aux Knicks. Peut-être l'occasion de sauver un petit peu la face. Mais voilà, ça ne voudra peut-être pas dire grand-chose non plus. Il faudra voir vraiment quelles seront les équipes mises en place et les effectifs qui vont jouer sur ces rencontres. Il y a des effectifs qui vont sûrement être un petit peu load managés. Derrière, la soirée, et oui, vous le savez, vous avez le flyer de toute façon sur le côté, la KNF Viewing Party pour la soirée de samedi soir. Ça sera un déplacement en Géorgie à une heure tout à fait raisonnable, puisque ça sera à 21h qu'aura lieu le coup d'envoi de cette rencontre, face aux Atlanta Hawks de Trae Young et Zachary Risacher, qui eux aimeraient bien sécuriser aussi leur place et puis se mettre en Bon, bonne condition ils pour sont aborder. gentils. Ouais, mais bon, voilà. Et pour finir, retour à la maison dans la nuit de dimanche à lundi, face aux Phoenix Suns, qui eux aussi ont des choses à jouer sur cette fin de saison. En dehors des Sixers, finalement, on est plutôt sur des équipes qui cherchent à se rassurer, qui cherchent à gagner des places, à sécuriser des places, ou alors qui cherchent à surtout ne pas avoir de blessés. On pense surtout aux Cleveland Cavaliers. Voilà, 4 matchs cette semaine. Tu nous donnes un petit peu l'état des forces en présence. Pendant que j'ai un petit problème sur ma caméra, voilà. Et les dynamiques de ces 4 équipes? Alors, on va commencer par Philadelphie. Ben, qui reste encore en vie à Philadelphie? On savait déjà que ça avait commencé par McCain, le pauvre rookie, puis Joel Embiid out, puis Paul George. Maintenant, c'est Tyrese Maxey aussi qui a mis un terme à la saison. On a désormais Kelly Oubre qui est également absent, Kyle Lowry. Et là, on a des nouveaux, donc André Drummond. On a Gershon Yabusele depuis hier, qui donc pareil, hier il n'a pas joué, blessure au genou. Et Quentin Grimes qui était à fond. Donc là, je pense qu'il était trop à fond, donc pareil. Il n'a pas joué le dernier match contre Toronto. Alors, est-ce que là, maintenant, ils sont en full tanking de chez tanking? Là, maintenant, tout le monde au repos et on met plus que les remplaçants des remplaçants. C'est possible. Ils sont. 13e place de la conférence Est, hein. C'est quand même une grosse déception, un gros flop cette saison. Il y a des Ouais. blessures, mais quand même, 13e place, quoi. Ils sont avec un bilan de 23-52. Ils sont sur une série de 8 défaites consécutives. Je pense pas qu'ils descendent plus bas. Charlotte est à 18-56 et Washington à 16-58 ont beaucoup trop d'avance dans la course au tanking. Pour dire, ils ont un plus mauvais bilan que Brooklyn et que Toronto. Donc je pense qu'on risque d'avoir une équipe C de Philadelphie contre nous. Voilà. Ensuite, Cleveland. Eh bien, Cleveland, ouais, ils ont eu un petit passage à vide. Mais là, quand même, l'année dernière, ils battent les Clippers qui nous ont bien battus. Donc, voilà, avant ça, ils avaient perdu contre les Detroit Pistons. Ils sont sur un bilan de 4 victoires pour une défaite sur les 5 derniers matchs. Ce n'était pas les plus grosses confrontations. Déjà, ils les ont battus. Trail Blazers, ils ont battu. Spurs, ils ont battu. Ils ont perdu contre les Pistons et ils ont gagné contre les Clippers. Ils sont à 60 wins. Il a été souligné sur les réseaux sociaux que la dernière fois qu'ils avaient été à 60 wins, les Cleveland Cavaliers, c'était avec l'association LeBron James, Shaquille O'Neal. Et oui, et Ça oui. date. Et oui, ça date un petit peu. Ça ne nous rajeunit pas. Cette année-là, ça n'avait pas fini champion. Non. Au rang des blessés, eh ben, Ty Jerome, lui, on sait qu'il est out pour la saison. Emoni Bates et Jalen Tyson, l'illustre Jalen Tyson. Sinon, leur roster est au complet. Tout va bien du côté de Cleveland. Voilà pour eux. Et leur prochain match, ça sera contre nous. Donc, nous, on aura un match d'écart. Enfin, on aura un match d'avance. J'avance. Voilà, mais ce sera Philadelphie, donc quand même. À la maison. Bon. Voilà. Après, par contre, là, on joue Atlanta. Et donc, tu l'as dit, à Atlanta. Alors, Atlanta, Jakob Toppin, malheureusement, est out. Le petit Jakob. Ils ont quelques blessés. Ils ont Kobe Bufkin. Je crois qu'il est sophomore. Donc, out. Jalen Johnson, Clint Capela, Larry Nance. Voilà. Donc, ils ont quand même quelques blessés qui ne sont pas prêts de revenir. Cependant, ils arrivent quand même à gagner des matchs. Sur les 5 derniers matchs, ils sont sur un bilan de 3 victoires pour 2 défaites. Ils ont notamment réussi à gagner Golden State. Ils ont gagné Milwaukee la nuit dernière, 145-124. Alors, ils ont perdu contre Miami et Houston, mais tu vois, ils ont quand même eu des petites victoires de prestige, avec notamment au début du mois de mars, une double confrontation victorieuse contre Indiana. C'est pas rien. Attention à nos amis de Géorgiens, parce que ils peuvent sortir le tout bon comme le tout mauvais. Avant de nous jouer, ils vont jouer Portland et ils vont jouer Dallas. Et Portland et Dallas, ils seront en back-to-back. Donc, et ensuite, ils joueront contre nous. Donc, ils auront un back-to-back dans les pattes. Voilà ce qu'on peut dire sur Atlanta. Pas Atlanta qui essaye de conserver son avantage du terrain en play-in et en qui vue peut d'affronter le Magic. Donc, Atlanta, ouais, qui est à couteau tiré avec le Magic, donc à 36-38 et 36-39 respectivement. Attention à Milwaukee de ne pas faire non plus de faux pas. Ils ont que 4 victoires d'avance sur Atlanta. La dernière semaine, elle peut donner chaud aux fesses aux Bucks s'ils ne se reprennent pas. Donc Atlanta peut peut-être encore espérer une qualif, même si ça sera très compliqué. Mais pourquoi pas espérer. mathématiquement, c'est encore possible. Et ça nous ferait, pourquoi pas, une sorte de revival des playoffs d'il y a quelques saisons de ça. Ouais, La surtout fameuse saison du Weir. Un retour de Triangle Garden, tout ça. Et Bon, voilà. Atlanta a pas la semaine enfin, la plus compliquée. Donc ils jouent Portland, ils jouent Dallas, alors ils jouent les Knicks, ils jouent Utah, et après ils jouent Orlando. Ça va être le match aussi hyper Ouais. important. Pour Et eux. ils finissent par Orlando. Sinon après, ils ont Brooklyn, Philadelphie, et ils finissent par Orlando en back-to-back. Donc voilà, ils peuvent accrocher, ils peuvent finir autant septième, comme ils peuvent finir, pourquoi pas sixième, enfin, cinquième. Donc voilà. Et pour Phoenix. alors pour les, tu as dit qui? Les Phoenix Suns, pour Voilà, finir. les Phoenix Suns, exactement. Ouais. Ben, les Phoenix Suns, écoute, eux ont un bilan de 35-40. Ils viennent de ressortir à nouveau du play-in. Ils se sont fait doubler par les Kings. Ils sont vraiment au coude à coude. Deux absents et pas des moindres. Kevin Durant, qui s'est fait mal donc à la cheville, et Bradley Beal, au moins pénalisant peut-être. Voilà, donc Phoenix, eux, sur les 5 derniers matchs, ils sont à un bilan de 3 défaites pour 2 victoires, mais ils sont sur 3 défaites consécutives contre Boston, contre Minnesota et contre Houston. Et surtout, c'est que là, avant de nous jouer, ils auront certes que 2 matchs, là où nous, on en aura eu 3, mais ils vont jouer Milwaukee et Boston, et chacun à chaque fois là-bas, à Milwaukee et à Boston. Donc, pas Pas évident, cadeau, cadeau. Ouais. pas cadeau-cadeau, ça peut être un coup fatal cette semaine-là pour eux. Et puis, le hasard du calendrier fait que le dernier match de saison de Phoenix, c'est contre Sacramento. Donc, Ouais, qui sont en lutte pour la post-season. un peu comme Atlanta, finalement, avec Orlando. C'est quand même marrant, ce calendrier. Enfin, bref. Donc voilà. Donc, ils vont jouer Milwaukee, ils vont jouer Boston avant de nous jouer. Sans Kevin Durant, c'est pas pareil. Enfin, tu me diras, même avec Kevin Durant. Déjà, avec lui, c'est déjà compliqué, une saison compliquée pour eux, mais alors sans, Ouais, c'est pas ouais. gagné, gagné. Pas gagné-gagné. Ceci dit, je vois qu'il a quand même joué hier contre Houston. Et il avait joué les matchs d'avant. Donc là, il est positionné en day-to-day. Est-ce qu'il sera load-managé ou pas? Visiblement, il l'a marqué sur ESPN qu'en tout cas, il ne fait pas le voyage Voilà. contre les Bucks. Donc à voir la gravité de la blessure, ce qu'il en est. Il ne fait pas le Bon. voyage contre les Bucks. Et Voilà puis où on si en les est. résultats sont pas bons dans la semaine, il va peut-être aussi jeter l'éponge sur la saison. À voir, affaire à suivre vis-à-vis de l'ami KD. Bon, une semaine où finalement on a 2 back-to-back, hein, il faut le noter. Un match le 1er avril, un match le 2 avril, un match le 5 avril et un match le 6 avril. Ouais, c'est Deux embêtant, hein. back-to-back, deux C'est embêtant. déplacements, voilà, retour à la maison. C'est jamais évident à gérer les back-to-back. On sait que Mitchell Robinson ne dispute pas tous les back-to-back pour l'instant, tous les matchs des back-to-back. Est-ce que ça va aller en se s'allégeant, cette restriction? À voir. Est-ce que Jalen Brunson va revenir? Est-ce que McBride va revenir? On n'a pas pour l'instant d'indication vis-à-vis du retour des BC. Bon, toujours la question, les deux questions. On va parler du pronostic, mais d'abord, l'affiche immanquable selon toi cette semaine en tant que fan d'Enix, c'est le match contre les. Oh, j'ai pas envie de dire Atlanta parce que ce sera le deuxième match du back-to-back et on va perdre, on va se faire Alors non, c'est le premier. défoncer. C'est le premier du deuxième back-to-back. Ah oui, parce que moi je vois à 2 avril, 3 avril, 5 avril et 7 avril au niveau des matchs sur 1, 2, ESPN. 5, 6. 1, 2, Ah. 5, Mais 6. toi tu l'as en version française en fait. Non, le screen qui est partagé, c'est la version Pourquoi américaine. est-ce que moi je l'ai. Pourquoi sur ESPN j'ai Wednesday April 2? Thursday April 3, Saturday April 5 et Monday April 7. On joue pas le 3. Je sais pas. Ben, va sur le site d'ESPN, tu Oui, mais regardes. j'étais sur le site Eh ben, NBA.com. tu vas sur le calendrier, donc schedule Knicks, et c'est ce qu'il est noté. Donc. Oui, bah j'étais sur NBA.com, schedule next. Et après, est-ce que moi, c'est parce que ce sont les heures françaises que j'ai Ah 1h30, oui. 1h, Oui. 9h, Oui, les heures. 21h et 1h? Les heures françaises font que oui, forcément, Voilà, on a un décalage. donc je pense que moi je l'ai aux heures françaises, c'est-à-dire Oui. Alors dans le bandeau du bas qui défile sur notre émission, c'est les heures françaises qui sont indiquées. Le match de samedi à 21h heure française. Voilà. Pour le match de Cleveland, ça sera le 3 avril heure française à 1h du matin. Voilà. Bien sûr, aux États-Unis, dans l'Ohio, ils ne jouent pas à 1h du matin. Eh non. Ils jouent le match en début de soirée. Donc 7h de moins, 6-7h de moins, en fonction des décalages avec l'heure d'été. Mais donc. Voilà, ce match immanquable pour toi, ça sera pas les Hawks, ça serait plutôt les. Moi, j'ai pas envie de dire, je t'ai dit, j'ai pas envie de dire les cases parce qu'on va le perdre, ça va me saouler. Ben oui. Et pourtant, c'est quand même le Non, c'est match. pas celui-là. C'est pas Non? celui-là. Non. Non, parce que celui-là, on le sait, en fait. Tu sais, c'est comme les Clippers, tu le sais que tu vas le perdre. Donc il n'est pas immanquable, parce que tu sais la finalité du truc. Oui, moi, mais est-ce que moi, t'as... Dis, si tu dois en voir un. Moi je dis c'est les Hawks, parce que les Hawks, on ne sait pas trop. On sait pas trop. Les Philadelphia Sixers, on va les défoncer. Cleveland, on va perdre. Atlanta. Oh. Ok, pour toi c'est Atlanta. Bon, moi je vais quand même rester sur Cleveland. Alors oui, on part pas favori, forcément, c'est le numéro 1 contre le numéro 3. Mais il y a du mieux défensivement. Qu'on le veuille ou non, il y a du mieux défensivement. Est-ce que ça va durer? Est-ce que l'embellie qu'on voit avec OG Anunoby va durer? Il y a du mieux défensivement, on l'a vu contre les Clippers, quoi. Oui, oui, oui. Mais ça suffit pas tout le temps, mais... mais voilà, il va falloir... ça va être encore un match test dans cette conférence Est. Bien sûr, le match face aux Hawks, il serait bon aussi de le prendre. Mais voilà, moi, je retiendrai plutôt le match face aux Cavs sur cette semaine. La réception des Suns, même si ils ont envie d'accrocher des choses, on ne sait pas qui y aura. Et ouais, je pense que c'est plus le match qui aura beaucoup d'attentes. Je ne sais pas s'il est diffusé sur des antennes nationales, le match face aux Cavs. On a, j'ai pas vu encore ESPN. Les grilles. ESPN. Ouais, voilà. Donc, bon, allez, honneur à toi. La semaine dernière, tu avais le bon prono. Et les bons matchs. 3-1. Ouais. Et les bons matchs dans le bon ordre, le perfect pronostic. Cette semaine, qu'est-ce que tu nous vois comme résultat pour les Knicks sur ces 4 matchs? Eh ben écoute, je nous vois à nouveau un 3-1. Hey, bizarrement. Voilà. Victoire okay. contre Philadelphia sans surprise. Mmh. Défaite contre Cleveland sans surprise. Match accroché. Accroché. Et un peu comme Portland qui va se finir dans les 2-3 dernières minutes contre Atlanta, mais on va réussir à gagner avec, voilà, encore une fois, un gros OG qui va nous porter. Et Phoenix, un match sans véritable problème, un match tout en maîtrise comme tu l'aurais qualifié pour celui de Milwaukee. Un match voilà où peut-être qu'on va jouer un peu à se faire peur, mais on va finir le taf. Voilà, le match plus accrocheur. Plus accroché pour moi cette semaine sera contre Atlanta. Okay. Mais on le prend. Bon. Mais on... Un bon pronostic, deux back-to-back, c'est jamais évident les back-to-back. Il y a du déplacement, il y a du retour à la maison. Bon, c'est plus facile de finir un back-to-back quand tu rentres à la maison que quand tu te déplaces. Donc, le premier back-to-back, bah oui, Philadelphie, ça doit être une formalité. Voilà, il n'y aura pas de Quentin Grimes a priori. Bon. Non. Donc il n'y aura pas de Quentin Grimes game. Et puis même si lui carburait à 40 points, normalement on a quand même les armes pour pouvoir venir à bout de cette équipe un petit peu décimée que sont les Philadelphia Sixers. Ah, le match face aux Cavs, bah oui, je dis il y a du mieux défensivement. Est-ce qu'il y aura Jalen Brunson ou pas? Est-ce qu'ils vont load manager? Est-ce qu'ils vont faire un peu tourner l'effectif côté Cavs? Bon, bah j'ai envie de voir mieux, mais je crois pas non plus qu'on soit en capacité de les battre. Après, je te demande qu'à me tromper. Encore de load manager, je pense. C'est encore peut-être un peu tôt. Ouais, et puis limite, ils auront peut-être matière côté Cavs à load manager sur d'autres matchs. Là, il y a un petit ascendant psychologique aussi à prendre, à s'imposer comme le leader incontestable de la conférence Est. Donc voilà, s'ils ont à choisir des matchs, jouer contre les Knicks, ils auront envie de le faire. Est-ce qu'on aura un Karl Anthony Towns qui va répondre bien présent sur les affiches importantes? Ça serait bien. Mais voilà, j'espère un match disputé, pas un blowout qu'on en a pris. Perdre contre les Cavs, en soi, ça peut se concevoir. Voilà, l'équipe est plus forte, elle joue mieux, elle est sur la meilleure dynamique. Voilà, elle est en pleine confiance, même si elle a lâché quelques matchs ces derniers temps. Mais par contre, qu'il y ait vraiment un match, qu'il n'y ait pas un blowout où on est distancé de 20 points déjà dès la première mi-temps. Donc c'est juste ce que j'espère, un match disputé et pourquoi pas une victoire. Mais bon, ça, on verra aussi s'il y a du retour de blessés ou pas. Est-ce que Brunson va reprendre pour le match face aux Cavs? C'est pas la fiche la plus cadeau. Est-ce que Mitchell Robinson va jouer ou pas? Est-ce qu'il va faire l'impasse sur le match face aux Sixers? Je pense que c'est la même config, tu sais, que Dallas Clippers. Mm-hmm. Je pense que. On va faire le choix plutôt d'opter sur le match où on l'attend plus, on a besoin. Sur le gros, ouais, sur le gros match, je pense qu'il y aura l'impasse sur Philadelphie. Donc à voir. À voir. Ça serait une belle surprise en tout cas que New York aille s'imposer à Cleveland. Ça permettrait de sauver un petit peu la face. Ça éviterait qu'on nous ressorte le bilan de ouais, mais contre les grosses équipes, vous êtes à zéro win. Donc, bon, à voir. C'est le match test, assurément, mais je le Et donnerai alors? plutôt perdant. Et puis, pour les deux derniers matchs de la semaine, bah oui, des victoires. C'est bien de battre Atlanta chez eux. Et c'est bien de battre Phoenix chez soi et de nous dire à KD qu'il regrette peut-être son choix d'il y a quelques saisons. Non, mais Donc voilà, je vais te suivre sur un 3, hein, moi aussi. tu sais que Atlanta, tu sais qu'Atlanta, bon, je dis 3-1 parce que j'ai envie d'être optimiste. Et là, sur les dernières semaines, j'ai aimé la cohésion d'équipe qu'il y avait. Mais Atlanta, ça peut être typiquement le genre de game Je piège, hein, c'est sûr. comme on a fait contre San Antonio, tu vois. C'est typiquement le match le match enfin de scénario comme San Antonio, c'est-à-dire à la mi-temps t'es à 20 points parce que t'as des shooters de l'autre côté. Attention quand même Atlanta parce que même On s'ils ont rentre pas toujours très bien dans nos matchs, parce que même donc s'ils ont perdu même ça sera s'ils chez eux. ouais même s'ils ont perdu comment Hunter. Ils ont quand même encore une belle équipe, hein, tu regardes. Donc, au Okongwu, Risacher, alors Mohamed Gay, je sais pas qui c'est, Trae Young, Dyson Daniels. Et en sortie de banc, tu as du Terrence Mann, tu as du Caris LeVert, du George Niang. Donc, ouais, ce match, tu sais, je le donne gagnant. Mais pas beaucoup gagnant. Bon, alors que j'ai un problème avec ma caméra et que je m'arrête sur une super Ah oui. face de ma part. Eh ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. On Là, va terminer tu fais l'émission. la tête de Triangle qui vient de prendre un buzzer beater de Mical sur la truffe. Pas content, pas content. Et voilà, l'émission était trop longue et petit problème technique, c'est pas grave. On va quand même finir ce 119e épisode avec la Poker Face qui vous annonce quoi? Le retour, eh ben oui, des Knicks Together. Donc rendez-vous demain à partir. Ouais, je pourrais même pas te faire le coucou. Enfin, toi, tu me vois avec le retour technique qu'on a, mais je suis. Voilà, problème de caméra. Oui, donc rendez-vous demain sur Twitter pour les anciens X, pour les nouveaux. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens à s'inscrire dorénavant sur Twitter. Il y a plus de gens à quitter ce réseau social, mais c'est pas grave. Nous, on n'est pas là pour parler politique. On est là pour parler basket et on se donnera rendez-vous pas plus tard que demain soir. Le rendez-vous du mardi de 19h à 20h. On joue parfois un petit peu les prolongations Voilà, overtime. venez Et participer, venez amener votre pierre à l'édifice ouais. dans le débat en fait. C'est ça Mais aussi, bien c'est pour ça sûr. que c'est Knicks Together, c'est parce qu'en fait bah, c'est ouvert à tous, le micro est ouvert à tous. Chappie distribue la parole comme Tyler Colec distribue les caviars. Et puis bah, venez parler un peu de tout ce que. De tout ce que vous avez sur le cœur de cette équipe. Est-ce que Karl-Anthony Towns il vous énerve? Est-ce que Mikal Bridges est surcoté? Est-ce qu'on devrait faire jouer plutôt notre ami Delon White à la place de Cameron Payne à son retour? Voilà, donc venez discuter, l'ambiance est sympa et puis on passe un bon moment, on passe chauffer une bonne heure là-dessus. Donc faut pas hésiter à passer, à ouvrir le micro et on dit jamais de bêtises, on est entre fans, hein, donc. Déjà, moi j'en dis pas mal, donc voilà quoi. Là, t'es juste dans le coin, là. T'es juste dans le coin. Ouais, je suis juste dans le coin là, je suis juste dans le T'es au coin. piqué! T'es au piqué! Je suis sorti de bord, au secours, au secours. Voilà, donc voisin du dessous, je te souhaite une bonne fin de semaine. J'ai une réduction de mon espace visio, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, du coup, nous, on vous dit rendez-vous, même endroit, même heure. Vous avez fait changement d'heure Voilà. sur vos montres Moi pour j'ai passer rangé. en heure d'été. Moi j'ai rangé Joanie dans le placard, je le ressors la semaine prochaine. Voilà. Et on vous donne rendez-vous pour l'épisode 120. Et n'oubliez pas, la viewing, KNF Viewing Party, ce samedi à Paris, Gare du Nord, Hideout. Où on aura le plaisir de vous accueillir avec Abdul et Laurent Voilà. pour ce match qui fait peur à Seb Bah, face au Q qui avec est malheureusement, Triangle. c'est ça. Avec malheureusement, match qui finit en prolongation avec un buzzer beater de George Niang. Aïe, Voilà. aïe, aïe. George Niang, le fameux trash talker que Quentin Grimes déteste. Voilà. Allez, sur Est-ce ce, qu'il sur ouvrira sa ce. grande gueule là face à OG quand il va lui rentrer dedans? Ah, je sais pas, je sais pas. Ouais, OG, de toute façon, tu vas pas prendre ton contrat. Mais si, j'ai déjà pris. Allez, sur ce, bonne semaine à toutes et à toutes. Rendez-vous lundi prochain et on débriefera pour voir si et Seb et moi avions raison sur ce pronostic de 3-1. ou si on est passé à côté de la plaque. À voir. Affaire à suivre. Allez, bonne semaine. Let's go, Knicks. Ciao, ciao.